d'Alain René le Sage. Histoire de Gil Blas de Santillane. Lue par Joanne pour audiocité.net. Livre 1er. Chapitre 1er. De la naissance de Gil Blas et de son éducation. Blas de Santillane, mon père, après avoir longtemps porté les armes pour le service de la monarchie espagnole, se retira dans la ville où il avait pris naissance. Il y épousa une petite bourgeoise qui n'était plus de sa première jeunesse et je vins au monde 10 mois après leur mariage. Ils allèrent ensuite demeurer à Oviedo où ils furent obligés de se mettre en condition. Ma mère devint femme de chambre et mon père écuyer. Comme ils n'avaient pour tout bien que leur gage, j'aurais couru risque d'être assez mal élevée si je n'eusse pas eu dans la ville un oncle chanoine. Il se nommait Gilles Pérez. Il était frère aîné de ma mère et mon parrain. Représentez-vous un petit homme haut de 3 pieds et demi, extraordinairement gros, avec une tête enfoncée entre les deux épaules. Voilà mon oncle. Au reste, c'était un ecclésiastique qui ne songeait qu'à bien vivre, c'est-à-dire qu'à faire bonne chère, et sa prébende, qui n'était pas mauvaise, lui en fournissait les moyens. Il me prit chez lui dès mon enfance et se chargea de mon éducation. Je lui parus si éveillé qu'il résolut de cultiver mon esprit. Il m'acheta un alphabet et entreprit de m'apprendre lui-même à lire, ce qui ne lui fut pas moins utile qu'à moi, car en me faisant connaître mes lettres, il se remit à la lecture qu'il avait toujours fort négligée, et à force de s'y appliquer, il parvint à lire couramment son bréviaire, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il aurait encore bien voulu m'enseigner la langue latine, c'eût été autant d'argent épargné pour lui. Mais hélas, le pauvre Gilles Pérez, il n'en avait de sa vie su les premiers principes. C'était peut-être, car je n'avance pas cela comme un fait certain, le chanoine du chapitre le plus ignorant. Aussi, j'ai ouï dire qu'il n'avait pas obtenu son bénéfice par son érudition. Il le devait uniquement à la reconnaissance de quelques bonnes religieuses dont il avait été le discret commissionnaire et qui avait eu le crédit de lui faire donner l'ordre de prêtrise sans examen. Il fut donc obligé de me mettre sous la férule d'un maître. Il m'envoya chez le docteur Godinez qui passait pour le plus habile pédant d'Obiède. Je profitai si bien des instructions qu'on me donna qu'au bout de 5 ou 6 années, j'entendis un peu les auteurs grecs et assez bien les poètes latins. Je m'appliquai aussi à la logique qui m'apprit à raisonner beaucoup. J'aimais tant la dispute que j'arrêtais les passants, connus ou inconnus, pour leur proposer des arguments. Je m'adressais quelquefois à des figures hibernoises qui ne demandaient pas mieux et il fallait alors nous voir disputer. Quel geste! Quelle grimace! Quelle contorsion! Nos yeux étaient pleins de fureur et nos bouches écumantes. On nous devait plutôt prendre pour des possédés que pour des philosophes. Je m'acquis toutefois par là, dans la ville, la réputation de savant. Mon oncle en fut ravi, parce qu'il fit réflexion que je cesserais bientôt de lui être à charge. « Or ça, Gil Blas, me dit-il un jour, le temps de ton enfance est passé. Tu as déjà 17 ans et te voilà devenu habile garçon. Il faut songer à te pousser. Je suis d'avis de t'envoyer à l'université de Salamanque. Avec l'esprit que je te vois, tu ne manqueras pas de trouver un bon poste. Je te donnerai quelques ducats pour faire ton voyage, avec ma mule qui vaut bien 10 à 12 pistoles. Tu la vendras à Salamanque et tu en emploieras l'argent pour t'entretenir jusqu'à ce que tu sois placé. » Il ne pouvait rien me proposer qui me fût plus agréable, car je mourais d'envie de voir le pays. Cependant, j'eus assez de force sur moi pour cacher ma joie. Et lorsqu'il fallut partir, ne paraissant sensible qu'à la douleur de quitter un oncle à qui j'avais tant d'obligations, j'attendris le bonhomme qui me donna plus d'argent qu'il ne m'en aurait donné s'il eût pu lire au fond de mon âme. Avant mon départ, j'allais embrasser mon père et ma mère, qui ne m'épargnèrent pas les remontrances. Ils m'exhortèrent à prier Dieu pour mon oncle, à vivre en honnête homme, à ne me point engager dans de mauvaises affaires et, sur toute chose, à ne pas prendre le bien d'autrui. Après qu'ils m'eurent très longtemps harangué, ils me firent présent de leur bénédiction, qui était le seul bien que j'attendais d'eux. Aussitôt, je montai sur ma mule et sortis de la ville. Chapitre 2. Des alarmes qu'il eut en allant à Peñaflor, de ce qu'il fit en arrivant dans cette ville et avec quel homme il soupa. Me voilà donc hors d'Oviedo, sur le chemin de Peñaflor, au milieu de la campagne, maître de mes actions, d'une mauvaise mule et de 40 bons ducats, sans compter quelques réaux que j'avais volés à mon très honoré oncle. La première chose que je fis fut de laisser ma mule aller à discrétion, c'est-à-dire au petit pas. Je lui mis la bride sur le cou et, tirant de ma poche mes ducats, je commençai à les compter et recompter dans mon chapeau. Je n'étais pas maître de ma joie. Je n'avais jamais vu autant d'argent. Je ne pouvais me lasser de le regarder et de le manier. Je le comptais peut-être pour la 20e fois, quand tout à coup ma mule, levant la tête et les oreilles, s'arrêta au milieu du grand chemin. Je jugeai que quelque chose l'effrayait. Je regardai ce que ce pouvait être. J'aperçus sur la terre un chapeau renversé sur lequel il y avait un rosaire à gros grains, et en même temps j'entendis une voix lamentable qui prononça ces paroles. « Seigneur passant, ayez pitié de grâce d'un pauvre soldat estropié. Jetez, s'il vous plaît, quelques pièces d'argent dans ce chapeau. Vous en serez récompensé dans l'autre monde. » Je tournai aussitôt les yeux du côté que partait la voix. Je vis au pied d'un buisson, à 20 ou 30 pas de moi, une espèce de soldat qui, sur deux bâtons croisés, appuyait le bout d'une escopette qui me parut plus longue qu'une pique et avec laquelle il me couchait en joue. À cette vue qui me fit trembler pour le bien de l'église, je m'arrêtai tout court. Je serrai promptement mes ducats, je tirai quelques réaux et, m'approchant du chapeau disposé à recevoir la charité des fidèles effrayés, je les jetai dedans l'un après l'autre pour montrer aux soldats que j'en usais noblement. Il fut satisfait de ma générosité et me donna autant de bénédictions que je donnais de coups de pied dans les flancs de ma mule pour m'éloigner promptement de lui. Mais la maudite bête, trompant mon impatience, n'en alla pas plus vite. La longue habitude qu'elle avait de marcher pas à pas sous mon oncle lui avait fait perdre l'usage du galop. Je ne tirai pas de cette aventure un augure trop favorable pour mon voyage. Je me représentai que je n'étais pas encore à Salamanque et que je pourrais bien faire une plus mauvaise rencontre. Mon oncle me parut très imprudent de ne m'avoir pas mis entre les mains d'un muletier. C'était sans doute ce qu'il aurait dû faire, mais il avait songé qu'en me donnant sa mule, mon voyage me coûterait moins, et il avait plus pensé à cela qu'au péril que je pouvais courir en chemin. Ainsi, pour réparer sa faute, je résolus, si j'avais le bonheur d'arriver à Peñaflor, d'y vendre ma mule et de prendre la voie du muletier pour aller à Astorga, d'où je me rendrais à Salamanque par la même voiture. Quoique je ne fusse jamais sorti d'Oviedo, je n'ignorais pas le nom des villes par où je devais passer. Je m'en étais fait instruire avant mon départ. J'arrivai heureusement à Peñaflor. Je m'arrêtai à la porte d'une hôtellerie d'assez bonne apparence. Je n'eus pas mis pied à terre que l'hôte vint me recevoir fort civilement. Il détacha lui-même ma valise, la chargea sur ses épaules et me conduisit à une chambre pendant qu'un de ses valets menait ma mule à l'écurie. Cet hôte, le plus grand babillard des Asturies, est aussi prompt à compter sans nécessité ses propres affaires que curieux de savoir celles d'autrui, m'apprit qu'il se nommait André Corcuelo, qu'il avait servi longtemps dans les armées du roi en qualité de sergent et que, depuis 15 mois, il avait quitté le service pour épouser une fille de Castropole qui, bien que tant soit peu basanée, ne laissait pas de faire valoir le bouchon. Il me dit encore une infinité d'autres choses que je me serais fort bien passé d'entendre. Après cette confidence, se croyant en droit de tout exiger de moi, il me demanda d'où je venais, où j'allais et qui j'étais. À quoi il me fallut répondre article par article, parce qu'il accompagnait d'une profonde révérence chaque question qu'il me faisait, en me priant d'un air si respectueux d'excuser sa curiosité que je ne pouvais me défendre de la satisfaire. Cela m'engagea dans un long entretien avec lui et me donna lieu de parler du dessein et des raisons que j'avais de me défaire de ma mule pour prendre la voie du muletier. Ce qu'il approuva fort, non succinctement, car il me représenta là-dessus tous les accidents fâcheux qui pouvaient m'arriver sur la route. Il me rapporta même plusieurs histoires sinistres de voyageurs. Je croyais qu'il ne finirait point. Il finit pourtant en disant que si je voulais vendre ma mule, il connaissait un honnête maquignon qui l'achèterait. Je lui témoignai qu'il me ferait plaisir de l'envoyer chercher. Il y alla sur le champ lui-même avec empressement. Il revint bientôt, accompagné de son homme, qu'il me présenta et dont il loua fort la probité. Nous entrâmes tous trois dans la cour, où l'on emmena ma mule. On la fit passer et repasser devant le maquignon, qui se mit à examiner depuis les pieds jusqu'à la tête. Il ne manqua pas d'en dire beaucoup de mal. J'avoue qu'on en pouvait dire beaucoup de bien. Mais quand ça aurait été la mule du pape, il y aurait trouvé à redire. Il assurait donc qu'elle avait tous les défauts du monde. Et pour mieux me le persuader, il en attestait l'hôte, qui sans doute avait ses raisons pour en convenir. « Eh bien, me dit froidement le maquignon, combien prétendez-vous vendre ce vilain animal-là ?» Après l'éloge qu'il en avait fait et l'attestation du seigneur Corcuelo, que je croyais homme sincère et bon connaisseur, j'aurais donné ma mule pour rien. C'est pourquoi je dis au marchand que je m'en apportais à sa bonne foi, qu'il n'avait qu'à priser la bête en conscience et que je m'en tiendrais à la priser. Alors, faisant l'homme d'honneur, il me répondit qu'en intéressant sa conscience, je le prenais par son faible. Ce n'était pas effectivement par son fort, car au lieu de faire monter l'estimation à 10 ou 12 pistoles comme mon oncle, il n'eut pas honte de la fixer à 3 ducats, que je reçus avec autant de joie que si j'eusse gagné à ce marché-là. Après m'être si avantageusement défait de ma mule, l'hôte me mena chez un muletier qui devait partir le lendemain pour Astorga. Ce muletier me dit qu'il partirait avant le jour et qu'il aurait soin de me venir réveiller. Nous en convînmes du prix, tant pour le louage d'une mule que pour ma nourriture. Et quand tout fut réglé entre nous, je m'en retournai vers l'hôtellerie avec Corcuelo, qui, chemin faisant, se mit à me raconter l'histoire de ce muletier. Il m'apprit tout ce qu'on en disait dans la ville. Enfin, il allait de nouveau m'étourdir de son babil importun si par bonheur un homme assez bien fait ne fut venu l'interrompre en l'abordant avec beaucoup de civilité. Je les laissai ensemble et continuai mon chemin sans soupçonner que j'eusse la moindre part à leur entretien. Je demandai à souper dès que je fus dans l'hôtellerie. C'était un jour maigre. On m'accommoda des œufs. Pendant qu'on me les apprêtait, je liai conversation avec l'hôtesse que je n'avais point encore vue. Elle me parut assez jolie, et je trouvai des allures si vives que j'aurais bien jugé, quand son mari ne me l'aurait pas dit, que ce cabaret devait être fort achalandé. Lorsque l'omelette qu'on me faisait fut en état de m'être servie, je m'assis tout seul à une table. Je n'avais pas encore mangé le premier morceau que l'hôte entra, suivi de l'homme qui l'avait arrêté dans la rue. Ce cavalier portait une longue rapière et pouvait bien avoir 30 ans. Il s'approcha de moi d'un air empressé. « Seigneur écolier, me dit-il, je viens d'apprendre que vous êtes le seigneur Gil Blas de Santillane, l'ornement d'Oviedo et le flambeau de la philosophie. Est-il bien possible que vous soyez ce savantissime, ce bel esprit dont la réputation est si grande dans ce pays-ci ? Vous ne savez pas, continua-t-il en s'adressant à l'hôte et à l'hôtesse, vous ne savez pas ce que vous possédez. Vous avez un trésor dans votre maison. Vous voyez dans ce jeune gentilhomme la 8e merveille du monde. » Puis, se tournant de mon côté et me jetant les bras au cou, « Excusez mes transports, ajouta-t-il, je ne suis point maître de la joie que votre présence me cause. » Je ne pus lui répondre sur le champ, parce qu'il me tenait si serré que je n'avais pas la respiration libre. Et ce ne fut qu'après que j'eus la tête dégagée de l'embrassade que je lui dis, « Seigneur Cavalier, je ne croyais pas mon nom connu à Peignafleur. Comment connu? Reprit-il sur le même ton. Nous tenons registre de tous les grands personnages qui sont à Bainlieu à la ronde. Vous passez ici pour un prodige, et je ne doute pas que l'Espagne ne se trouve un jour aussi vaine de vous avoir produit que la Grèce d'avoir vu naître ses sages. Ces paroles furent suivies d'une nouvelle accolade qu'il me fallut encore essuyer, au hasard d'avoir le sort denté. Pour peu que j'eusse eu d'expérience, je n'aurais pas été la dupe de ces démonstrations ni de ces hyperboles. J'aurais bien connu, à ces flatteries outrées, que c'était un de ces parasites que l'on trouve dans toutes les villes et qui, dès qu'un étranger arrive, s'introduisent auprès de lui pour remplir leur ventre à ses dépens. Mais ma jeunesse et ma vanité m'en firent juger tout autrement. Mon admirateur me parut un fort honnête homme et je l'invitai à souper avec moi. « Ah, très volontiers !» s'écria-t-il. « Je ne sais trop bon gré à mon étoile de m'avoir fait rencontrer Gilles Blas de Santillane, pour ne pas jouir de ma bonne fortune le plus longtemps que je pourrai. « Je n'ai pas grand appétit, » poursuivit-il. « Je vais me mettre à table pour vous tenir compagnie seulement, et je mangerai quelques morceaux par complaisance. » En parlant ainsi, mon panégyriste s'assit vis-à-vis de moi. On lui apporta un couvert. Il se jeta d'abord sur l'omelette, avec tant d'avidité qu'il semblait n'avoir mangé depuis 3 jours. À l'air complaisant dont il s'y prenait, je vis bien qu'elle serait bientôt expédiée. J'en ordonnai une seconde, qui fut faite si promptement qu'on nous la servit comme nous achevions, ou plutôt comme il achevait de manger la première. Il y procédait pourtant d'une vitesse toujours égale, et trouvait moyen, sans perdre un coup de dent, de me donner louange sur louange. Ce qui me rendait fort content de ma petite personne. Il buvait aussi fort souvent. Tantôt c'était à ma santé, et tantôt à celle de mon père et de ma mère, dont il ne pouvait assez vanter le bonheur d'avoir un fils tel que moi. En même temps, il versait du vin dans mon verre et m'excitait à lui faire raison. Je ne répondis point mal aux santé qu'il me portait, ce qui, avec ses flatteries, me mit insensiblement de si belle humeur que, voyant notre seconde omelette à moitié mangée, je demandai à l'hôte s'il n'avait pas de poisson à nous donner. Le seigneur Corcuelo, qui, selon toutes les apparences, s'entendait avec le parasite, me répondit « J'ai une truite excellente, mais elle coûtera cher à ceux qui la mangeront. C'est un morceau trop friand pour vous. »« Qu'appelez-vous trop friand ?» dit alors mon flatteur d'un ton de voix élevé. « Vous n'y pensez pas, mon ami ?» Apprenez que vous n'avez rien de trop bon pour le seigneur Gilles Blas de Santillane, qui mérite d'être traité comme un prince. Je fus bien aise qu'il eût relevé les dernières paroles de l'hôte, et il ne fit en cela que me prévenir. Je m'en sentais offensé, et je dis fièrement à Corcuelo, « Apportez-nous votre truite, et ne vous embarrassez pas du reste. » L'hôte, qui ne demandait pas mieux, se mit à la prêter, et ne tarda guère à nous la servir. À la vue de ce nouveau plat, je vis briller une grande joie dans les yeux du parasite, qui fit paraître une nouvelle complaisance, c'est-à-dire qu'il donna sur le poisson comme il avait donné sur les œufs. Il fut pourtant obligé de se rendre, de peur d'accident, car il en avait jusqu'à la gorge. Enfin, après avoir bu et mangé tout son sou, il voulut finir la comédie. « Seigneur Gilles Blas, me dit-il en se levant de table, « je suis trop content de la bonne chère que vous m'avez faite pour vous quitter sans vous donner un avis important dont vous me paraissez avoir besoin. Soyez désormais en garde contre les louanges. Défiez-vous des gens que vous ne connaîtrez point. Vous en pourrez rencontrer d'autres qui voudront, comme moi, se divertir de votre crédulité et peut-être pousser les choses encore plus loin. N'en soyez point la dupe et ne vous croyez point sur leurs paroles la 8e merveille du monde. » En achevant ces mots, il me rit au nez et s'en alla. Je fus aussi sensible à cette baie que je l'ai été dans la suite aux plus grandes disgrâces qui me sont arrivées. Je ne pouvais me consoler de m'être laissé tromper si grossièrement, ou pour mieux dire, de sentir mon orgueil humilié. « Et quoi, dis-je, le traître s'est donc joué de moi? Il n'a tantôt abordé mon hôte que pour lui tirer les vers du nez, ou plutôt ils étaient d'intelligence tous deux ?» Ah, pauvre Gilles Blas, meurs de honte d'avoir donné à ces fripons un juste sujet de te tourner en ridicule. Ils vont composer de tout ceci une belle histoire qui pourra bien aller jusqu'à Oviedo et qui t'y fera beaucoup d'honneur. Tes parents se repentiront sans doute d'avoir tant harangué un sot. » Loin de m'exhorter à ne tromper personne, il devait me recommander de ne pas me laisser duper. Agité de ces pensées mortifiantes, enflammé de dépit, je m'enfermai dans ma chambre et me mis au lit. Mais je ne pus dormir et je n'avais pas encore fermé l'œil lorsque le muletier me vint avertir qu'il n'attendait plus que moi pour partir. Je me levai aussitôt et, pendant que je m'habillais, Corcuelo arriva avec un mémoire de la dépense où la truite n'était pas oubliée. Et non seulement il m'en fallut passer par où il voulut, j'eus même le chagrin, en lui livrant mon argent, de m'apercevoir que le bourreau se ressouvenait de mon aventure. Après avoir bien payé un souper dont j'avais fait si désagréablement l'indigestion, je me rendis chez le muletier avec ma valise, en donnant à tous les diables le parasite, l'hôte et l'hôtellerie. Chapitre 3. De la tentation qu'eut le muletier sur la route, quelle en fut la suite, et comment Gil Blas tomba dans Caride en voulant éviter Sylla. Je ne me trouvais pas seul avec le muletier. Il y avait deux enfants de famille de Peñaflor, un petit chantre de Mondoniedo qui courait le pays, et un jeune bourgeois d'Astorga qui s'en retournait chez lui avec une jeune personne qu'il venait d'épouser à Vercoux. Nous fîmes tous connaissance en peu de temps, et chacun eut bientôt dit d'où il venait et où il allait. La nouvelle mariée, quoique jeune, était si noire et si peu piquante que je ne prenais pas grand plaisir à la regarder. Cependant, sa jeunesse et son embonpoint donnèrent dans la vue du muletier, qui résolut de faire une tentative pour obtenir ses bonnes grâces. Il passa la journée à méditer ce beau dessein, et il en remit l'exécution à la dernière couchée. Ce fut à Cacabelos. Il nous fit descendre à la première hôtellerie en entrant. Cette maison était plus dans la campagne que dans le bourg, et il en connaissait l'hôte pour un homme discret et complaisant. Il eut soin de nous faire conduire dans une chambre écartée, où il nous laissa souper tranquillement. Mais sur la fin du repas, nous le vîmes entrer d'un air furieux. « Par la mort, s'écria-t-il, on m'a volé ! J'avais dans un sac de cuir 100 pistoles. Il faut que je les retrouve. Je vais chez le juge du bourg, qui n'entend pas raillerie là-dessus, et vous allez tous avoir la question, jusqu'à ce que vous ayez confessé le crime et rendu l'argent. » En disant cela d'un air fort naturel, il sortit et nous demeurâmes dans un extrême étonnement. Il ne nous vint pas dans l'esprit que ce pouvait être une feinte, parce que nous ne nous connaissions point les uns les autres. Je soupçonnais même le petit chantre d'avoir fait le coup, comme il eut peut-être de moi la même pensée. D'ailleurs, nous étions tous de jeunes sous. Nous ne savions pas quelle formalité s'observe en pareil cas. Nous crûmes de bonne foi qu'on commencerait par nous mettre à la gêne. Ainsi, cédant à notre frayeur, nous sortîmes de la chambre fort brusquement. Les uns gagnent la rue, les autres le jardin. Chacun cherche son salut dans la fuite. Et le jeune bourgeois d'Astorga, aussi troublé que nous de l'idée de la question, se sauva comme un autre aîné, sans s'embarrasser de sa femme. Alors le muletier, à ce que j'appris dans la suite, plus incontinent que ses mulets, ravi de voir que son stratagème produisait l'effet qu'il en avait attendu, alla vanter cette ruse ingénieuse à la bourgeoise et tâcher de profiter de l'occasion. Mais cette Lucrèce des Asturies, à qui la mauvaise mine de son tentateur prêtait de nouvelles forces, fit une rigoureuse résistance et poussa de grands cris. La patrouille, qui par hasard en ce moment se trouva près de l'hôtellerie, qu'elle connaissait pour un lieu digne de son attention, y entra et demanda la cause de ses cris. L'hôte, qui chantait dans sa cuisine et feignait de ne rien entendre, fut obligé de conduire le commandant et ses archers à la chambre de la personne qui criait. Ils arrivèrent bien à propos. L'Asturienne n'en pouvait plus. Le commandant, homme grossier et brutal, ne vit pas plus tôt de quoi il s'agissait qu'il donna 5 ou 6 coups du bois de sa hallebarde à l'amoureux muletier, en l'apostrophant dans des termes dont la pudeur n'était guère moins blessée que de l'action même qui les lui suggérait. Ce ne fut pas tout. Il se saisit du coupable et le mena devant le juge avec l'accusatrice, qui, malgré le désordre où elle était, voulut aller elle-même demander justice de cet attentat. Le juge l'écouta, et l'ayant attentivement considéré, jugea que l'accusé était indigne de pardon. Il le fit dépouiller sur le champ et fustiger en sa présence. Puis il ordonna que le lendemain, si le mari de l'Asturienne ne paraissait point, deux archers, aux frais et dépens du délinquant, escorteraient la complaignante jusqu'à la ville d'Astorga. Pour moi, plus épouvantée peut-être que tous les autres, je gagnai la campagne. Je traversai je ne sais combien de champs et de bruyères, et, sautant tous les fossés que je trouvais sur mon passage, j'arrivai enfin auprès d'une forêt. J'allais m'y jeter et me cacher dans le plus épais ennuyé, lorsque deux hommes à cheval s'offrirent tout à coup au devant de mes pas. Ils crièrent « Qui va là ?» et, comme ma surprise ne me permit pas de répondre sur le champ, ils s'approchèrent de moi. Et me mettant chacun un pistolet sur la gorge, ils me sommèrent de leur apprendre qui j'étais, d'où je venais, ce que je voulais aller faire dans cette forêt, et surtout de ne leur rien déguiser. À cette manière d'interroger, qui me parut bien valoir la question dont le muletier nous avait fait faite, je leur répondis que j'étais un jeune homme d'Oviedo qui allait à Salamanque. Je leur contai même l'alarme qu'on venait de nous donner, et j'avouai que la crainte d'être appliquée à la torture m'avait fait prendre la fuite. Ils firent un éclat de rire à ce discours qui marquait ma simplicité. Et l'un des deux me dit « Rassure-toi, mon ami, viens avec nous et ne crains rien. Nous allons te mettre en sûreté. » À ces mots, il me fit monter en croupe sur son cheval et nous nous enfonçâmes dans la forêt. Je ne savais ce que je devais penser de cette rencontre. Je n'en augurais pourtant rien de sinistre. Si ces gens-ci, disais-je en moi-même, étaient des voleurs, ils m'auraient volé et peut-être assassiné. Il faut que ce soit de bons gentilshommes de ce pays-ci qui, me voyant effrayé, ont pitié de moi et m'emmènent chez eux par charité. Je ne fus pas longtemps dans l'incertitude. Après quelques détours que nous fîmes dans un grand silence, nous nous trouvâmes au pied d'une colline où nous descendîmes de cheval. « C'est ici que nous demeurons, » me dit un des cavaliers. J'avais beau regarder de tous côtés, je n'apercevais ni maison, ni cabane, pas la moindre apparence d'habitation. Cependant, ces deux hommes levèrent une grande trappe de bois couverte de broussailles qui cachait l'entrée d'une longue allée en pente et souterraine où les chevaux se jetèrent d'eux-mêmes comme des animaux qui y étaient accoutumés. Les cavaliers m'y firent entrer avec eux. Puis, baissant la trappe avec des cordes qui y étaient attachées pour cet effet, voilà le digne neveu de mon oncle Pérez pris comme un rat dans une ratière. Chapitre 4. Description du souterrain et quelle chose y vit Gil Blas. Je connus alors avec quelle sorte de gens j'étais, et l'on doit bien juger que cette connaissance m'ôta ma première crainte. Une frayeur plus grande et plus juste vint s'emparer de mes sens. Je crus que j'allais perdre la vie avec mes ducats. Ainsi, me regardant comme une victime qu'on conduit à l'hôtel, je marchais, déjà plus mort que vif, entre mes deux conducteurs, qui, sentant bien que je tremblais, m'exhortaient inutilement à ne rien craindre. Quand nous eûmes fait environ 200 pas en tournant et en descendant toujours, nous entrâmes dans une écurie qu'éclairaient deux grosses lampes de fer pendues à la voûte. Il y avait une bonne provision de paille et plusieurs tonneaux remplis d'orge. 20 chevaux y pouvaient être à l'aise. Mais il n'y avait alors que les deux qui venaient d'arriver. Un vieux nègre, qui paraissait pourtant encore assez vigoureux, s'occupait de les attacher au râtelier. Nous sortîmes de l'écurie. À la triste lueur de quelques autres lampes qui semblaient n'éclairer ces lieux que pour en montrer l'horreur, nous parvîmes à une cuisine où une vieille femme faisait rôtir des viandes sur des brasiers et préparait le souper. La cuisine était ornée des ustensiles nécessaires, et tout auprès, on voyait une office pourvue de toutes sortes de provisions. La cuisinière, il faut que j'en fasse le portrait, était une personne de 60 et quelques années. Elle avait eu dans sa jeunesse les cheveux d'un blond très ardent, car le temps ne les avait pas si bien blanchis qu'ils n'eussent encore quelques nuances de leur première couleur. Outre un teint olivâtre, elle avait un menton pointu et relevé, avec des lèvres fort enfoncées. Un grand nez aquilin lui descendait sur la bouche et ses yeux paraissaient d'un très beau rouge pourpré. « Tenez, dame Léonarde, dit un des cavaliers en me présentant à ce bel ange des ténèbres, voici un jeune garçon que nous vous amenons. » Puis il se tourna de mon côté et remarquant que j'étais pâle et défait, « Mon ami, me dit-il, reviens de ta frayeur. On ne te veut faire aucun mal. Nous avions besoin d'un valet pour soulager notre cuisinière. Nous t'avons rencontré. Cela est heureux pour toi. Tu tiendras ici la place d'un garçon qui s'est laissé mourir depuis 15 jours. C'était un jeune homme d'une complexion très délicate. Tu me parais plus robuste que lui. Tu ne mourras pas si tôt. Véritablement, tu ne reverras plus le soleil. Mais en récompense, tu feras bonne chair et beau feu. Tu passeras tes jours avec Léonarde, qui est une créature fort humaine. Tu auras toutes tes petites commodités. Je veux te faire voir, ajouta-t-il, que tu n'es pas ici avec des gueux. En même temps, il prit un flambeau et m'ordonna de le suivre. Il me mena dans une cave où je vis une infinité de bouteilles et de pots de terre bien bouchés, qui étaient pleins, disait-il, d'un vin excellent. Ensuite, il me fit traverser plusieurs chambres. Dans les unes, il y avait des pièces de toile, dans les autres, des étoffes de laine et de soie. J'aperçus dans une autre de l'or et de l'argent, et beaucoup de vaisselle à diverses armoiries. Après cela, je le suivis dans un grand salon que 3 lustres de cuivre éclairaient et qui servait de communication à d'autres chambres. Il me fit là de nouvelles questions. Il me demanda comment je me nommais, pourquoi j'étais sortie d'Oviedo. Et lorsque j'eus satisfait sa curiosité, « Eh bien, Gil Blas, me dit-il, puisque tu n'as quitté ta patrie que pour chercher quelque bon poste, il faut que tu sois né coiffé pour être tombé entre nos mains. Je te l'ai déjà dit, tu vivras ici dans l'abondance et rouleras sur l'or et sur l'argent. D'ailleurs, tu y seras en sûreté. » Tel est ce souterrain que les officiers de la Sainte Hermanda viendraient 100 fois dans cette forêt sans le découvrir. L'entrée n'en est connue que de moi seul et de mes camarades. Peut-être me demanderas-tu comment nous l'avons pu faire sans que les habitants des environs s'en soient aperçus. Mais apprends, mon ami, que ce n'est point notre ouvrage et qu'il est fait depuis longtemps. Après que les morts se fussent rendus maîtres de Grenade, de l'Aragon et de presque toute l'Espagne, les chrétiens qui ne voulurent point subir le joug des infidèles prirent la fuite et vinrent se cacher dans ce pays-ci, dans la Biscaye et dans les Asturies, où le vaillant Dom Pélage s'était retiré. Fugitifs et dispersés par peloton, ils vivaient dans les montagnes ou dans les bois. Les uns demeuraient dans les cavernes et les autres firent plusieurs souterrains, du nombre desquels est celui-ci. Ayant ensuite eu le bonheur de chasser d'Espagne leurs ennemis, ils retournèrent dans les villes. Depuis ce temps-là, leurs retraites ont servi d'asile aux gens de notre profession. Il est vrai que la Sainte Hermanda en a découvert et détruit quelques-unes, mais il en reste encore. Et grâce au ciel, il y a près de 15 années que j'habite impunément celle-ci. Je m'appelle le capitaine Rolando. Je suis chef de la compagnie et l'homme que tu as vu avec moi est un de mes cavaliers. Chapitre 5. De l'arrivée de plusieurs autres voleurs dans le souterrain et de l'agréable conversation qu'ils eurent tous ensemble. Comme le seigneur Rolando achevait de parler de cette sorte, il parut dans le salon 6 nouveaux visages. C'était le lieutenant avec 5 hommes de la troupe qui revenaient chargés du butin. Ils apportaient 2 mannequins remplis de sucre, de cannelle, de poivre, de figues, d'amandes et de raisins secs. Le lieutenant adressa la parole au capitaine et lui dit qu'il venait d'enlever ses mannequins à un épicier de Benabent dont il avait aussi pris le mulet. Après qu'il eut rendu compte de son expédition au bureau, les dépouilles de l'épicier furent portées dans l'office. Alors il ne fut plus question que de se réjouir. On dressa dans le salon une grande table et l'on me renvoya dans la cuisine où la dame Léonarde m'instruisit de ce que j'avais à faire. Je cédai à la nécessité, puisque mon mauvais sort le voulait ainsi. Et, dévorant ma douleur, je me préparai à servir ces honnêtes gens. Je débutai par le buffet, que je parai de tasses d'argent et de plusieurs bouteilles de terre pleines de ce bon vin que le seigneur Rolando m'avait vanté. J'apportai ensuite deux ragoûts qui ne furent pas plutôt servis que tous les cavaliers se mirent à table. Ils commencèrent à manger avec beaucoup d'appétit. Et moi, debout derrière eux, je me tins prêt à leur verser du vin. Je m'en acquittai de si bonne grâce que j'eus le bonheur de m'attirer des compliments. Le capitaine, en peu de mots, leur conta mon histoire qui les divertit fort. Ensuite, il leur dit que j'avais du mérite. Mais j'étais alors revenu des louanges et j'en pouvais entendre sans péril. Là-dessus, ils me louèrent tous. Ils dirent que je paraissais né pour être leur échanson, que je valais 100 fois mieux que mon prédécesseur. Et comme depuis sa mort, c'était la seigneura Lennard qui avait l'honneur de présenter le nectar à ses dieux infernaux, ils la privèrent de ce glorieux emploi pour m'en revêtir. Ainsi, nouveau Ganymède, je succédai à cette vieille Hébé. Un grand plat de rôt, servi peu de temps après les ragoûts, vint achever de rassasier les voleurs qui, buvant à proportion qu'ils mangeaient, furent bientôt de belle humeur et firent un beau bruit. Les voilà qui parlent tous à la fois. L'un commence une histoire, l'autre rapporte un bon mot, un autre crie, un autre chante. Ils ne s'entendent point. Enfin, Rolando, fatigué d'une scène où il mettait inutilement beaucoup du sien, le prit sur un ton si haut qu'il imposa silence à la compagnie. « Messieurs, leur dit-il, écoutez ce que j'ai à vous proposer. Au lieu de nous étourdir les uns les autres en parlant tous ensemble, ne ferions-nous pas mieux de nous entretenir comme des gens raisonnables ? Il me vient une pensée. Depuis que nous sommes associés, nous n'avons pas eu la curiosité de nous demander quelles sont nos familles et par quel enchaînement d'aventures nous avons embrassé notre profession. Cela me paraît toutefois digne d'être su. Faisons-nous cette confidence pour nous divertir. » Le lieutenant et les autres, comme s'ils avaient eu quelque chose de beau à raconter, acceptèrent, avec de grandes démonstrations de joie, la proposition du capitaine, qui parla le premier dans ces termes. « Messieurs, vous saurez que je suis fils unique d'un riche bourgeois de Madrid. Le jour de ma naissance fut célébré dans la famille par des réjouissances infinies. Mon père, qui était déjà vieux, sentit une joie extrême de se voir un héritier. Et ma mère entreprit de me nourrir de son propre lait. Mon aïeul maternel vivait encore en ce temps-là. C'était un bon vieillard qui ne se mêlait plus de rien que de dire son rosaire et de raconter ses exploits guerriers, car il avait longtemps porté les armes. Je devins insensiblement l'idole de ces trois personnes. J'étais sans cesse dans leurs bras. De peur que l'étude ne me fatiguât dans mes premières années, on me les laissa passer dans les amusements les plus périls. Il ne faut pas, disait mon père, que les enfants s'appliquent sérieusement, que le temps n'ait un peu mûri leur esprit. En attendant cette maturité, je n'apprenais ni à lire ni à écrire, mais je ne perdais pas pour cela mon temps. Mon père m'enseignait 1000 sortes de jeux. Je connaissais parfaitement les cartes, je savais jouer aux dés, et mon grand-père m'apprenait des romances sur les expéditions militaires où il s'était trouvé. Il me chantait tous les jours les mêmes couplets. Et lorsqu'après avoir répété pendant 3 mois 10 ou 12 vers, je venais à les réciter sans faute, mes parents admiraient ma mémoire. Ils ne paraissaient pas moins contents de mon esprit quand, profitant de la liberté que j'avais de tout dire, j'interrompais leur entretien pour parler à tort et à travers. « Ah, qu'il est joli !» s'écriait mon père en me regardant avec des yeux charmés. Ma mère m'accablait aussitôt de caresses et mon grand-père en pleurait de joie. Je faisais aussi, devant eux, impunément les actions les plus indécentes. Ils me pardonnaient tout. Ils m'adoraient. Cependant, j'entrais dans ma 12e année et je n'avais point encore eu de maître. On m'en donna un. Mais il reçut en même temps des ordres précis de m'enseigner sans en venir aux voies de fait. On lui permit seulement de me menacer quelquefois pour m'inspirer un peu de crainte. Cette permission ne fut pas fort salutaire. Car ou je me moquais des menaces de mon précepteur, ou bien, les larmes aux yeux, j'allais m'en plaindre à ma mère ou à mon aïeul, et je leur disais qu'ils m'avaient maltraité. Le pauvre diable avait beau venir me démentir, Il passait pour un brutal, et l'on me croyait toujours plutôt que lui. Il arriva même un jour que je m'égratignais moi-même. Puis je me mis à crier comme si l'on m'eût écorché. Ma mère accourut et chassa le maître sur le champ, quoiqu'il protestât et prit le ciel à témoin qu'il ne m'avait pas touché. Je me défie ainsi de tous mes précepteurs, jusqu'à ce qu'il vînt s'en présenter un tel qu'il me le fallait. C'était un bachelier d'Alcala, l'excellent maître pour un enfant de famille. Il aimait les femmes, le jeu et le cabaret. Je ne pouvais être en meilleure main. Il s'attacha d'abord à gagner mon esprit par la douceur. Il y réussit, et par là se fit aimer de mes parents, qui m'abandonnèrent à sa conduite. Ils n'eurent pas sujet de s'en repentir. Il me perfectionna de bonne heure dans la science du monde. À force de me mener avec lui dans tous les lieux qu'il aimait, il m'en inspira si bien le goût qu'au latin près, je devins un garçon universel. Dès qu'il vit que je n'avais plus besoin de ses préceptes, il alla les offrir ailleurs. Si, dans mon enfance, j'avais vécu au logis fort librement, ce fut bien autre chose quand je commençais à devenir maître de mes actions. Je me moquais à tout moment de mon père et de ma mère. Ils ne faisaient que rire de mes saillies. Et plus elles étaient vives, plus ils les trouvaient agréables. Cependant, je faisais toutes sortes de débauches avec des jeunes gens de mon humeur. Et comme nos parents ne nous donnaient pas assez d'argent pour continuer une vie si délicieuse, chacun dérobait chez lui ce qu'il pouvait prendre. Et cela ne suffisant point encore, nous commençâmes à voler la nuit. Malheureusement, le corregidor apprit de nos nouvelles. Il voulut nous faire arrêter, mais on nous avertit de son mauvais dessein. Nous eûmes recours à la fuite, et nous nous mîmes à exploiter sur les grands chemins. Depuis ce temps-là, messieurs, Dieu m'a fait la grâce de vieillir dans la profession, malgré les périls qui y sont attachés. Le capitaine cessa de parler en cet endroit, et le lieutenant prit ainsi la parole. Messieurs, une éducation tout opposée à celle du seigneur Rolando a produit le même effet. Mon père était un boucher de Tolède. Il passait, avec justice, pour le plus grand brutal de la ville, et ma mère n'avait pas un naturel plus doux. Ils me fouettaient dans mon enfance comme à l'envi l'un de l'autre. J'en recevais tous les jours 1000 coups. La moindre faute que je commettais était suivie des plus rudes châtiments. J'avais beau demander grâce, les larmes aux yeux, et protester que je me repentais de ce que j'avais fait, on ne me pardonnait rien, et le plus souvent, on me frappait sans raison. Quand mon père me battait, ma mère, comme s'il ne s'en fût pas bien acquitté, se mettait de la partie au lieu d'intercéder pour moi. Ces traitements m'inspirèrent tant d'aversion pour la maison paternelle que je la quittai avant que j'eusse atteint ma 14e année. Je pris le chemin d'Aragon et me rendis à Saragosse en demandant l'aumône. Là, je me faufilai avec des gueux qui menaient une vie assez heureuse. Ils m'apprirent à contrefaire l'aveugle, à paraître estropié, à mettre sur les jambes des ulcères postiches, etc. Le matin, comme des acteurs qui se préparent à jouer une comédie, nous nous disposions à faire nos personnages. Chacun courait à son poste. Et le soir, nous réunissant tous, nous nous réjouissions pendant la nuit, aux dépens de ceux qui avaient eu pitié de nous pendant le jour. Je m'ennuyais pourtant d'être avec ces misérables, et voulant vivre avec de plus honnêtes gens, je m'associe avec des chevaliers de l'industrie. Ils m'apprirent à faire de bons tours, mais il nous fallut bientôt sortir de Saragosse parce que nous nous brouillâmes avec un homme de justice qui nous avait toujours protégés. Chacun prit son parti. Pour moi, j'entrai dans une troupe d'hommes courageux qui faisaient contribuer les voyageurs et je me suis si bien trouvé de leur façon de vivre que je n'en ai pas voulu chercher d'autres depuis ce temps-là. Je sais donc, messieurs, très bon gré à mes parents de m'avoir si maltraité, car s'ils m'avaient élevé un peu plus doucement, je ne serais présentement sans doute qu'un malheureux boucher, au lieu que j'ai l'honneur d'être votre lieutenant. Messieurs, dit alors un jeune voleur qui était assis entre le capitaine et le lieutenant, les histoires que nous venons d'entendre ne sont pas si composées ni si curieuses que la mienne. Je dois le jour à une paysanne des environs de Séville. 3 semaines après qu'elle m'eut mise au monde, elle était encore jeune, propre et bonne nourrice. On lui proposa un nourrisson. C'était un enfant de qualité, un fils unique qui venait de naître dans Séville. Ma mère accepta volontiers la proposition. Elle alla chercher l'enfant, on le lui confia. Et elle ne l'eut pas sitôt apporté dans son village que, trouvant quelque ressemblance entre nous, cela lui inspira le dessein de me faire passer pour l'enfant de qualité, dans l'espérance qu'un jour je reconnaîtrais bien ce bon office. Mon père, qui n'était pas plus scrupuleux qu'un autre paysan, approuva la supercherie. De sorte qu'après nous avoir fait changer de linge, le fils de Don Rodrigue de Herrera fut envoyé, sous mon nom, à une autre nourrice, et ma mère me nourrit sous le sien. Malgré tout ce qu'on peut dire de l'instinct et de la force du sang, les parents du petit gentilhomme prirent aisément le change. Ils n'eurent pas le moindre soupçon du tour qu'on leur avait joué, et jusqu'à l'âge de 7 ans, je fus toujours dans leurs bras. Leur intention étant de me rendre un cavalier parfait, ils me donnèrent toutes sortes de maîtres. Mais j'avais peu de disposition pour les exercices qu'on m'apprenait, et encore moins de goût pour les sciences qu'on me voulait enseigner. J'aimais beaucoup mieux jouer avec les valets que j'allais chercher à tout moment dans les cuisines ou dans les écuries. Le jeu ne fut pas toutefois longtemps ma passion dominante. Je n'avais pas 17 ans que je m'enivrais tous les jours. J'agaçais aussi toutes les femmes du logis. Je m'attachais principalement à une servante de cuisine qui me parut mériter mes premiers soins. C'était une grosse joufflue dont l'enjouement et l'embonpoint me plaisaient fort. Je lui faisais l'amour avec si peu de circonspection que Don Rodrigue même s'en aperçut. Il m'en reprit aigrement, me reprocha la bassesse de mes inclinations et, de peur que la vue de l'objet aimé ne rendît ses remontrances inutiles, il mit ma princesse à la porte. Ce procédé me déplut. Je résolus de m'en venger. Je volai les pierreries de la femme de Don Rodrigue et, courant chercher ma belle Hélène qui s'était retirée chez une blanchisseuse de ses amis, je l'enlevai en plein midi afin que personne ne l'ignorât. Je passai plus avant. Je la menai dans son pays où je l'épousai solennellement tant pour faire plus de dépit aux Herrera que pour laisser aux enfants de famille un si bel exemple à suivre. 3 mois après ce mariage, j'appris que Don Rodrigue était mort. Je ne fus pas insensible à cette nouvelle. Je me rendis promptement à Séville pour demander son bien, mais j'y trouvai du changement. Ma mère n'était plus, et en mourant, elle avait eu l'indiscrétion d'avouer tout en présence du curé de son village et d'autres bons témoins. Le fils de Don Rodrigue tenait déjà ma place, ou plutôt la sienne, et il venait d'être reconnu avec d'autant plus de joie qu'on était moins satisfait de moi. De manière que, n'ayant rien à espérer de ce côté-là, et ne me sentant plus de goût pour ma grosse femme, je me joignis à des chevaliers de la fortune avec qui je commençais mes caravanes. Le jeune voleur ayant achevé son histoire, un autre dit qu'il était fils d'un marchand de Burgos, que dans sa jeunesse, poussé d'une dévotion indiscrète, il avait pris l'habit et fait profession dans un ordre fort austère, et quelques années après, il avait apostasié. Enfin, les 8 voleurs parlèrent tour à tour. Et lorsque je les eus tous entendus, je ne fus pas surpris de les voir ensemble. Ils changèrent ensuite de discours, ils mirent sur le tapis divers projets pour la campagne prochaine, et après avoir formé une résolution, ils se levèrent de table pour s'aller coucher. Ils allumèrent des bougies et se retirèrent dans leur chambre. Je suivis le capitaine Rolando dans la sienne, ou pendant que je l'aidais à se déshabiller. « Eh bien, Gil Blas, me dit-il, tu vois de quelle manière nous vivons? Nous sommes toujours dans la joie. La haine ni l'envie ne se glissent point parmi nous. Nous n'avons jamais ensemble le moindre démêlé. Nous sommes plus unis que des moines. Tu vas, mon enfant, poursuivit-il, mener ici une vie bien agréable, car je ne te crois pas assez sot pour te faire une peine d'être avec des voleurs. Eh, voit-on d'autres gens dans le monde? Non, mon ami, tous les hommes aiment à s'approprier le bien d'autrui. C'est un sentiment général. La manière seule en est différente. Les conquérants, par exemple, s'emparent des états de leurs voisins. Les personnes de qualité empruntent et ne rendent point. Les banquiers, trésoriers, agents de change, commis et tous les marchands, tant gros que petits, ne sont pas fort scrupuleux. Pour les gens de justice, je n'en parlerai point. On n'ignore pas ce qu'ils savent faire. il faut pourtant avouer qu'ils sont plus humains que nous, car souvent nous ôtons la vie aux innocents, et eux, quelquefois, la sauvent aux coupables. Chapitre 6. De la tentative que fit Gil Blas pour se sauver, et quel en fut le succès. Après que le capitaine des voleurs eut fait ainsi l'apologie de sa profession, il se mit au lit. Et moi, je retournai dans le salon, où je desservis et remis tout en ordre. J'allai ensuite à la cuisine, où Domingo, c'était le nom du vieux nègre, et la dame Léonarde soupaient en m'attendant. Quoique je n'eusse point d'appétit, je ne laissais pas de m'asseoir auprès d'eux. Je ne pouvais manger, et comme je paraissais aussi triste que j'avais sujet de l'être, ces deux figures équivalentes entreprirent de me consoler. « Pourquoi vous affligez-vous, mon fils ? » me dit la vieille. « Vous devez plutôt vous réjouir de vous voir ici. Vous êtes jeune et vous paraissez facile. Vous vous seriez bientôt perdu dans le monde. Vous y auriez rencontré des libertins qui vous auraient engagé dans toutes sortes de débauches, au lieu que votre innocence se trouve ici dans un port assuré. » « La dame Léonarde a raison, » dit gravement à son tour le vieux nègre, « et l'on peut ajouter à cela qu'il n'y a dans le monde que des peines. Rendez grâce au ciel, mon ami, d'être tout d'un coup délivré des périls, des embarras et des afflictions de la vie. » J'essuyai tranquillement ce discours, parce qu'il ne m'eût servi de rien de m'en fâcher. Enfin, Domingo, après avoir bien bu et bien mangé, se retira dans son écurie. Léonard prit aussitôt une lampe et me conduisit dans un caveau qui servait de cimetière aux voleurs qui mouraient de leur mort naturelle et où je vis un grabat qui avait plus l'air d'un tombeau que d'un lit. « Voilà votre chambre, » me dit-elle. « Le garçon dont vous avez le bonheur d'occuper la place y a couché tant qu'il a vécu parmi nous, et il y repose encore après sa mort. Il s'est laissé mourir à la fleur de son âge. Ne soyez pas assez simple pour suivre son exemple. » En achevant ces paroles, elle me donna la lampe et retourna dans sa cuisine. Je posai la lampe à terre et me jetai sur le grabat, moins pour prendre du repos que pour me livrer tout entier à mes réflexions. « Ô ciel, dis-je, est-il une destinée aussi affreuse que la mienne ? On veut que je renonce à la vue du soleil, et comme si ce n'était pas assez d'être enterré tout vif à 18 ans, il faut encore que je sois réduit à servir des voleurs, à passer le jour avec des brigands et la nuit avec des morts. » Ces pensées qui me semblaient très mortifiantes, et qui l'étaient en effet, me faisaient pleurer amèrement. Je maudis 100 fois l'envie que mon oncle avait eue de m'envoyer à Salamanque. Je me repentis d'avoir craint la justice de Cacabelos. J'aurais voulu être à la question. Mais considérant que je me consumais en plaintes vaines, je me mis à rêver au moyen de me sauver. Et je me dis, est-il donc impossible de me tirer d'ici? Les voleurs dorment. La cuisinière et le nègre en feront bientôt autant. Pendant qu'ils seront tous endormis, ne puis-je, avec cette lampe, trouver l'allée par où je suis descendue dans cet enfer? Il est vrai que je ne me crois point assez fort pour lever la trappe qui est à l'entrée. Cependant, voyons, je ne veux rien avoir à me reprocher. Mon désespoir me prêtera des forces et j'en viendrai peut-être à bout. Je formai donc ce grand dessein. Je me levai quand je jugeai que Léonard et Domingo reposaient. Je pris la lampe et sortis du caveau en me recommandant à tous les saints du paradis. Ce ne fut pas sans peine que je démêlai les détours de ce nouveau labyrinthe. J'arrivai pourtant à la porte de l'écurie et j'aperçus enfin l'allée que je cherchais. Je marche, je m'avance vers la trappe avec autant de légèreté que de joie. Mais hélas, au milieu de l'allée, je rencontrai une maudite grille de fer bien fermée et dont les barreaux étaient si près l'un de l'autre qu'on y pouvait à peine passer la main. Je me trouvai bien sot à la vue de ce nouvel obstacle dont je ne m'étais point aperçu en entrant parce que la grille était alors ouverte. Je ne laissai pas pourtant de tâter les barreaux. J'examinai la serrure. Je tâchai même de la forcer lorsque tout à coup, je me sentis appliquer entre les deux épaules 5 ou 6 bons coups de nerf de bœuf. Je poussai un cri si perçant que le souterrain en retentit. Et regardant aussitôt derrière moi, je vis le vieux nègre en chemise qui d'une main tenait une lanterne sourde et de l'autre l'instrument de mon supplice. « Ah ah !» dit-il, « petit drôle, vous voulez vous sauver ?»« Oh, ne pensez pas que vous puissiez me surprendre. Je vous ai bien entendu. Vous avez cru la grille ouverte, n'est-ce pas ? Apprenez, mon ami, que vous la trouverez désormais toujours fermée. Quand nous retenons ici quelqu'un malgré lui, il faut qu'il soit plus fin que vous pour nous échapper. » Cependant, au cri que j'avais fait, deux ou trois voleurs se réveillèrent en sursaut. Et, ne sachant si c'était la Sainte Hermanda qui venait fondre sur eux, ils se levèrent et appelèrent leurs camarades. Dans un instant, ils sont tous sur pied. Ils prennent leurs épées et leurs carabines et s'avancent presque nus jusqu'à l'endroit où j'étais avec Domingo. Mais sitôt qu'ils surent la cause du bruit qu'ils avaient entendu, leur inquiétude se convertit en éclat de rire. « Comment donc, Gil Blas ?» me dit le voleur apostat. « Il n'y a pas 6 heures que tu es avec nous et tu veux déjà t'en aller ? Il faut que tu aies bien de l'aversion pour la retraite. Et que ferais-tu donc si tu étais chartreux ? Va te coucher. Tu en seras quitte cette fois pour les coups que Domingo t'a donnés. Mais s'il t'arrive jamais de faire un nouvel effort pour te sauver, par Saint-Barthélemy, nous t'écorcherons tout vif. » À ces mots, il se retira. Les autres voleurs s'en retournèrent aussi dans leur chambre. Le vieux nègre, fort satisfait de son expédition, rentra dans son écurie et je regagnai mon cimetière où je passai le reste de la nuit à soupirer et à pleurer. Chapitre 7. De ce que fit Gil Blas, ne pouvant faire mieux. Je pensais succomber les premiers jours au chagrin qui me dévorait. Je ne faisais que traîner une vie mourante. Mais enfin, mon bon génie m'inspira la pensée de dissimuler. J'affectais de paraître moins triste. Je commençais à rire et à chanter, quoique je n'en eusse aucune envie. En un mot, je me contraignis si bien que Léonard et Domingo y furent trompés. Ils crurent que l'oiseau s'accoutumait à la cage. Les voleurs s'imaginèrent la même chose. Je prenais un air gai en leur versant à boire et je me mêlais à leur entretien quand je trouvais occasion d'y placer quelques plaisanteries. Ma liberté, loin de leur déplaire, les divertissait. « Gil Blas, me dit le capitaine, un soir que je faisais le plaisant, tu as bien fait, mon ami, de bannir la mélancolie. Je suis charmé de ton humeur et de ton esprit. On ne connaît pas d'abord les gens. Je ne te croyais pas si spirituel ni si enjoué. » Les autres me donnèrent aussi 1000 louanges. Ils me parurent si contents de moi que, profitant d'une si bonne disposition, « Messieurs, leur dis-je, permettez que je vous découvre mes sentiments. Depuis que je demeure ici, je me sens tout autre que je n'étais auparavant. Vous m'avez défait des préjugés de mon éducation. J'ai pris insensiblement votre esprit. J'ai du goût pour votre profession. Je meurs d'envie d'avoir l'honneur d'être un de vos confrères et de partager avec vous les périls de vos expéditions. » Toute la compagnie applaudit à ce discours. On loua ma bonne volonté. Puis il fut résolu, tout d'une voix, qu'on me laisserait servir encore quelque temps pour éprouver ma vocation. Qu'ensuite, on me ferait faire mes caravanes. Après quoi, on m'accorderait la place honorable que je demandais. Il fallut donc continuer de me contraindre et d'exercer mon emploi des chansons. J'en fus très mortifié, car je n'aspirais à devenir voleur que pour avoir la liberté de sortir comme les autres, et j'espérais qu'en faisant des courses avec eux, je leur échapperais quelque jour. Cette seule espérance soutenait ma vie. L'attente néanmoins me paraissait longue, et je ne laissais pas d'essayer plus d'une fois de surprendre la vigilance de Domingo. Mais il n'y eut pas moyen. Il était trop sur ses gardes. J'aurais défié 100 Orphées de charmer ce Cerbère. Il est vrai aussi que, de peur de me rendre suspect, je ne faisais pas tout ce que j'aurais pu faire pour le tromper. Il m'observait et j'étais obligée d'agir avec beaucoup de circonspection pour ne me pas trahir. Je m'en remettais donc au temps que les voleurs m'avaient prescrit pour me recevoir dans leur troupe, et je l'attendais avec autant d'impatience que si j'eusse dû entrer dans une compagnie de traitons. Grâce au ciel, 6 mois après, ce temps arriva. Le seigneur Rolando dit à ses cavaliers, « Messieurs, il faut tenir la parole que nous avons donnée à Gil Blas. Je n'ai pas mauvaise opinion de ce garçon-là. Je crois que nous en ferons quelque chose. Je suis d'avis que nous le menions demain avec nous cueillir des lauriers sur les grands chemins. Prenons soin nous-mêmes de le dresser à la gloire. » Les voleurs furent tous du sentiment de leur capitaine, et pour me faire voir qu'ils me regardaient déjà comme un de leurs compagnons, dès ce moment, ils me dispensèrent de les servir. Ils rétablirent la dame Léonarde dans l'emploi qu'on lui avait ôté pour m'en charger. Ils me firent quitter mon habillement, qui consistait en une simple soutanelle fort usée, et ils me parèrent de toute la dépouille d'un gentilhomme nouvellement volé. Après cela, je me disposais à faire ma première campagne. Chapitre 8. Gil Blas accompagne les voleurs. Quel exploit il fait sur les grands chemins. Ce fut sur la fin d'une nuit du mois de septembre que je sortis du souterrain avec les voleurs. J'étais armé comme eux d'une carabine, de deux pistolets, d'une épée et d'une baïonnette, et je montais un assez bon cheval qu'on avait pris au même gentilhomme dont je portais les habits. Il y avait si longtemps que je vivais dans les ténèbres que le jour naissant ne manqua pas de m'éblouir. Mais peu à peu, mes yeux s'accoutumèrent à le souffrir. Nous passâmes auprès de Ponferrada et nous allâmes nous mettre en embuscade dans un petit bois qui bordait le grand chemin de Léon. Là, nous attendions que la fortune nous offrît quelque bon coup à faire quand nous aperçûmes un religieux de l'ordre de Saint-Dominique monté contre l'ordinaire de ses bons pères sur une mauvaise mule. « Dieu soit loué !» s'écria le capitaine en riant. « Voici le chef-d'œuvre de Gil Blas. Il faut qu'il aille détrousser ce moine. Voyons comment il s'y prendra. » Tous les voleurs jugèrent qu'effectivement cette commission me convenait, et ils m'exhortèrent à m'en bien acquitter. « Messieurs, leur dis-je, vous serez contents. Je vais mettre ce père nu comme la main et vous amener ici sa mule. » « Non, non, » dit Rolando, « elle n'en vaut pas la peine. Apporte-nous seulement la bourse de sa révérence. C'est tout ce que nous exigeons de toi. » Là-dessus, je sortis du bois et poussai vers le religieux en priant le ciel de me pardonner l'action que j'allais faire. J'aurais bien voulu m'échapper dès ce moment-là, mais la plupart des voleurs étaient encore mieux montés que moi. S'ils m'eussent vu fuir, ils se seraient mis à mes trousses et m'auraient bientôt rattrapé, ou peut-être auraient-ils fait sur moi une décharge de leur carabine dont je me serais fort mal trouvé. Je n'osais donc hasarder une démarche si délicate. Je joignis le père et lui demandai la bourse en lui présentant le bout d'un pistolet. Il s'arrêta tout court pour me considérer et, sans paraître fort effrayé, « Mon enfant, me dit-il, vous êtes bien jeune. Vous faites de bonne heure un vilain métier. » « Mon père, lui répondis-je, tout vilain qu'il est, je voudrais l'avoir commencé plus tôt. »« Ah, mon fils, répliqua le bon religieux, qui n'avait garde de comprendre le vrai sens de mes paroles, que dites-vous? Quel aveuglement! Souffrez que je vous représente l'état malheureux. Oh, mon père, interrompis-je avec précipitation, trêve de morale, s'il vous plaît. Je ne viens pas sur les grands chemins pour entendre des sermons. Je veux de l'argent. »« De l'argent ? » me dit-il d'un air étonné. « Vous jugez bien mal de la charité des Espagnols si vous croyez que les personnes de mon caractère aient besoin d'argent pour voyager en Espagne. Détrompez-vous, on nous reçoit agréablement partout. On nous loge, on nous nourrit et l'on ne nous demande que des prières. Enfin, nous ne portons point d'argent sur la route. Nous nous abandonnons à la Providence. »« Eh non, non, lui répartis-je, vous ne vous y abandonnez pas. » Vous avez toujours de bonnes pistoles pour être plus sûr de la Providence. Mais, mon père, ajoutai-je, finissons. Mes camarades qui sont dans ce bois s'impatientent. Jetez tout à l'heure votre bourse à terre, ou bien je vous tue. » À ces mots que je prononçai d'un air menaçant, le religieux sembla craindre pour sa vie. « Attendez, me dit-il, je vais donc vous satisfaire, puisqu'il le faut absolument. Je vois bien qu'avec vous autres, les figures de rhétorique sont inutiles. » En disant cela, il tira de dessous sa robe une grosse bourse de peau de chamois qu'il laissa tomber à terre. Alors je lui dis qu'il pouvait continuer son chemin, ce qu'il ne me donna pas la peine de répéter. Il pressa les flancs de sa mule, qui, démentant l'opinion que j'avais d'elle, car je ne la croyais pas meilleure que celle de mon oncle, prit tout à coup un assez bon train. Tandis qu'il s'éloignait, je mis pied à terre. Je ramassai la bourse qui me parut pesante. Je remontai sur ma bête et regagnai promptement le bois, où les voleurs m'attendaient avec impatience pour me féliciter de ma victoire. À peine me donnèrent-ils le temps de descendre de cheval, tant ils s'empressaient de m'embrasser. « Courage, Gil Blas, me dit Rolando, tu viens de faire des merveilles. J'ai eu les yeux sur toi pendant ton expédition. J'ai observé ta contenance. Je te prédis que tu deviendras un excellent voleur de grand chemin. » Le lieutenant et les autres applaudirent à la prédiction et m'assurèrent que je ne pouvais manquer de l'accomplir quelque jour. Je les remerciai de la haute idée qu'ils avaient de moi et leur promis de faire tous mes efforts pour la soutenir. Après qu'ils m'eurent d'autant plus loué que je méritais moins de l'être, il leur prit envie d'examiner le butin dont je revenais chargé. « Voyons, dirent-ils, voyons ce qu'il y a dans la bourse du religieux. Elle doit être bien garnie, continua l'un d'eux, car ses bons pères ne voyagent pas en pèlerin. » Le capitaine délia la bourse, l'ouvrit et en tira deux ou trois poignées de petites médailles de cuivre entremêlées d'Agnus Dei avec quelques scapulaires. À la vue d'un larcin si nouveau, tous les voleurs éclatèrent en rire immodéré. « Vive Dieu !» s'écria le lieutenant. « Nous avons bien de l'obligation à Gil Blas. Il vient pour son coup d'essai de faire un vol fort salutaire à la compagnie. » Cette plaisanterie en attira d'autres. Ces scélérats, et particulièrement celui qui avait apostasié, commencèrent à s'égayer sur la matière. Il leur échappa mille traits qui marquaient bien le dérèglement de leurs mœurs. Moi seul, je ne riais point. Il est vrai que les railleurs m'en ôtaient l'envie en se réjouissant aussi à mes dépens. Chacun me lança son trait, et le capitaine me dit « Ma foi, Gil Blas, je te conseille, en ami, de ne te plus jouer aux moines. Ce sont des gens trop fins et trop rusés pour toi. » Chapitre 9. L'événement sérieux qui suivit cette aventure. Nous demeurâmes dans le bois la plus grande partie de la journée, sans apercevoir aucun voyageur qui pût payer pour le religieux. Enfin, nous en sortîmes pour retourner au souterrain, bornant nos exploits à ce risible événement qui faisait encore le sujet de notre entretien, lorsque nous découvrîmes, de loin, un carrosse à quatre mules. Il venait à nous au grand trot et il était accompagné de trois hommes à cheval qui nous parurent bien armés. Rolando fit faire halte à la troupe pour tenir conseil là-dessus. Et le résultat fut qu'on attaquerait. Aussitôt, il nous rangea de la manière qu'il voulut et nous marchâmes en bataille au devant du carrosse. Malgré les applaudissements que j'avais reçus dans le bois, je me sentis saisi d'un grand tremblement. Et bientôt, il sortit de tout mon corps une sueur froide qui ne me présageait rien de bon. Pour surcroît de bonheur, j'étais au front de la bataille, entre le capitaine et le lieutenant, qui m'avaient placé là pour m'accoutumer au feu tout d'un coup. Rolando, remarquant jusqu'à quel point la nature pâtissait chez moi, me regarda de travers et me dit d'un air brusque « Écoute, Gil Blas, songe à faire ton devoir. Je t'avertis que, si tu recules, je te casserai la tête d'un coup de pistolet. » J'étais trop persuadée qu'il le ferait comme il le disait pour négliger l'avertissement. C'est pourquoi je ne pensais plus qu'à recommander mon âme à Dieu. Pendant ce temps-là, le carrosse et les cavaliers s'approchaient. Ils connurent quelle sorte de gens nous étions, et devinant notre dessein à notre contenance, ils s'arrêtèrent à la portée d'une escopette. Ils avaient, aussi bien que nous, des carabines et des pistolets. Tandis qu'il se préparait à nous recevoir, il sortit du carrosse un homme bien fait et richement vêtu. Il monta sur un cheval de main, dont un des cavaliers tenait la bride, et il se mit à la tête des autres. Il n'avait pour arme que son épée et deux pistolets. Encore qu'ils ne fussent que 4 contre 9, car le cocher demeura sur son siège, ils s'avancèrent vers nous avec une audace qui redoubla mon effroi. Je ne laissais pas pourtant, bien que tremblant de tous mes membres, de me tenir prêt à tirer mon coup. Mais pour dire les choses comme elles sont, Je fermais les yeux et tournais la tête en déchargeant ma carabine. Et de la manière que je tirais, je ne dois point avoir ce coup-là sur la conscience. Je ne ferai point un détail de l'action. Quoique présent, je ne voyais rien, et ma peur, en me troublant l'imagination, me cachait l'horreur du spectacle même qui m'effrayait. Tout ce que je sais, c'est qu'après un grand bruit de mousquetade, j'entendis mes compagnons crier à pleine tête « Victoire ! Victoire !» À cette acclamation, la terreur qui s'était emparée de mes sens se dissipa, et j'aperçus sur le champ de bataille les quatre cavaliers étendus sans vie. De notre côté, nous n'eûmes qu'un homme de tué. Ce fut l'apostat, qui n'eut en cette occasion que ce qu'il méritait, pour son apostasie et pour ses mauvaises plaisanteries sur les scapulaires. Le lieutenant reçut au bras une blessure, mais elle se trouva très légère, le coup n'ayant fait qu'effleurer la peau. Le seigneur Rolando courut d'abord à la portière du carrosse. Il y avait dedans une dame de 24 à 25 ans, qui lui parut très belle, malgré le triste état où il la voyait. Elle s'était évanouie pendant le combat, et son évanouissement durait encore. Tandis qu'il s'occupait à la regarder, nous songeâmes, nous autres, au butin. Nous commençâmes par nous assurer des chevaux des cavaliers tués, car ces animaux, épouvantés du bruit des coups, s'étaient un peu écartés après avoir perdu leur guide. Pour les mules, elles n'avaient pas branlé, quoique durant l'action, le cocher eût quitté son siège pour se sauver. Nous mîmes pied à terre pour les dételer et nous les chargeâmes de plusieurs malles que nous trouvâmes attachées devant et derrière le carrosse. Cela fait, on prit, par ordre du capitaine, la dame qui n'avait point encore rappelé ses esprits et on la mit à cheval entre les mains d'un voleur des mieux montés. Puis, laissant sur le grand chemin le carrosse et les morts dépouillés, nous emmenâmes avec nous la dame, les mules et les chevaux. Chapitre 10. De quelle manière les voleurs en usèrent avec la dame, du grand essaim que forma Gil Blas et quel en fut l'événement. Il y avait déjà plus d'une heure qu'il était nuit quand nous arrivâmes au souterrain. Nous menâmes d'abord les bêtes à l'écurie, où nous fûmes obligés nous-mêmes de les attacher au râtelier et d'en avoir soin, parce que le vieux nègre était au lit depuis 3 jours. Outre que la goutte l'avait pris violemment, un rhumatisme le tenait entrepris de tous ses membres. Il ne lui restait rien de libre que la langue qu'il employait à témoigner son impatience par d'horribles blasphèmes. Nous laissâmes ce misérable jurer et blasphémer et nous allâmes à la cuisine où nous donnâmes toute notre attention à la dame. Nous fîmes si bien que nous vîmes à bout de la tirer de son évanouissement. Mais quand elle eut repris l'usage de ses sens, et qu'elle se vit entre les bras de plusieurs hommes qui lui étaient inconnus, elle sentit son malheur. Elle en frémit. Tout ce que la douleur et le désespoir ensemble peuvent avoir de plus affreux parut peint dans ses yeux, qu'elle leva au ciel comme pour se plaindre à lui des indignités dont elle était menacée. Puis, cédant tout à coup à ces images épouvantables, elle retombe en défaillance, sa paupière se referme, et les voleurs s'imaginent que la mort va leur enlever leur proie. Alors le capitaine, jugeant plus à propos de l'abandonner à elle-même que de la tourmenter par de nouveaux secours, la fit porter sur le lit de Léonard, où on la laissa toute seule, au hasard de ce qu'il en pouvait arriver. Nous passâmes dans le salon où un des voleurs, qui avait été chirurgien, visita le bras du lieutenant et le frotta de baume. L'opération faite, on voulut voir ce qu'il y avait dans les malles. Les unes se trouvèrent remplies de dentelles et de linge, les autres d'habits. Mais la dernière qu'on ouvrit renfermait quelques sacs pleins de pistoles, ce qui réjouit infiniment messieurs les intéressés. Après cet examen, la cuisinière dressa le couvert et servit. Nous nous entretînmes d'abord de la grande victoire que nous avions remportée. Sur quoi, Rolando, m'adressant la parole, « À vous, Gil Blas, me dit-il, à vous que tu as eu grand-peur. » Je répondis que j'en demeurais d'accord de bonne foi, mais que je me battrais comme un paladin quand j'aurais fait seulement 2 ou 3 campagnes. Là-dessus, toute la compagnie prit mon parti en disant qu'on devait me le pardonner, que l'action avait été vive et que, pour un jeune homme qui n'avait jamais vu le feu, je ne m'étais point mal tiré d'affaire. La conversation tomba ensuite sur les mules et les chevaux que nous venions d'amener au souterrain. Il fut arrêté que, le lendemain, avant le jour, nous partirions tous pour les aller vendre à Mansilla, où probablement on n'aurait point encore entendu parler de notre expédition. Cette résolution prise, nous achevâmes de souper. Puis nous retournâmes à la cuisine pour voir la dame. Nous la trouvâmes dans la même situation. Néanmoins, quoiqu'elle parût à peine jouir d'un reste de vie, quelques voleurs ne laissèrent pas de jeter sur elle un œil profane et de témoigner une brutale envie qu'ils auraient satisfaite, si Rolando ne les en eût empêchés, en leur représentant qu'ils devaient du moins attendre que la dame fût sortie de cet accablement de tristesse qui lui ôtait tout sentiment. Le respect qu'ils avaient pour leur capitaine retint leur incontinence. Sans cela, rien ne pouvait sauver la dame. Sa mort même n'aurait peut-être pas mis son honneur en sûreté. Nous laissâmes encore cette malheureuse femme dans l'état où elle était. Rolando se contenta de charger Léonarde d'en avoir soin, et chacun se retira dans sa chambre. Pour moi, lorsque je fus couché, au lieu de me livrer au sommeil, je ne fis que m'occuper du malheur de la dame. Je ne doutais point que ce ne fût une personne de qualité, et j'en trouvais son sort plus déplorable. Je ne pouvais sans frémir me peindre les horreurs qui l'attendaient, et je m'en sentais aussi vivement touché que si le sang ou l'amitié m'eût attaché à elle. Enfin, après avoir bien plaint sa destinée, je rêvais au moyen de préserver son honneur du péril où il était et de me tirer en même temps du souterrain. Je songeais que le vieux nègre ne pouvait se remuer et que, depuis son indisposition, la cuisinière avait la clé de la grille. Cette pensée m'échauffa l'imagination et me fit concevoir un projet que je digérais bien. Puis j'en commençai sur le champ l'exécution de la manière suivante. Je feignis d'avoir la colique. Je poussai d'abord des plaintes et des gémissements. Ensuite, élevant la voix, je jetai de grands cris. Les voleurs se réveillent et sont bientôt auprès de moi. Ils me demandent ce qui m'oblige à crier ainsi. Je répondis que j'avais une colique horrible et, pour mieux le leur persuader, je me mis à grincer des dents, à faire des grimaces et des contorsions effroyables et à m'agiter d'une étrange façon. Après cela, je devins tout à coup tranquille, comme si mes douleurs m'eussent donné quelque relâche. Un instant après, je me remis à faire des bonds sur mon grabat et à me tordre les bras. En un mot, je jouais si bien mon rôle que les voleurs, tout fins qu'ils étaient, s'y laissèrent tromper et crurent qu'en effet je sentais des tranchées violentes. Aussitôt, ils s'empressent tous à me soulager. L'un m'apporte une bouteille d'eau-de-vie et m'en fait avaler la moitié. L'autre me donne, malgré moi, un lavement d'huile d'amande douce. Un autre va chauffer une serviette et vient me l'appliquer toute brûlante sur le ventre. J'avais beau crier miséricorde, ils imputaient mes cris à ma colique et continuaient à me faire souffrir des maux véritables en voulant m'en ôter un que je n'avais point. Enfin, ne pouvant plus y résister, je fus obligée de leur dire que je ne sentais plus de tranchées et que je les conjurais de me donner quartier. Ils cessèrent de me fatiguer de leurs remèdes, et je me gardais bien de me plaindre davantage, de peur d'éprouver encore leur secours. Cette scène dura près de 3 heures. Après quoi, les voleurs, jugeant que le jour ne devait pas être fort éloigné, se préparèrent à partir pour Mansilla. Je voulus me lever pour leur faire croire que j'avais grande envie de les accompagner. Mais ils m'en empêchèrent. « Non, non, Gil Blas, me dit le seigneur Rolando. « Demeure ici, mon fils. Ta colique pourrait te reprendre. Tu viendras une autre fois avec nous. Pour aujourd'hui, tu n'es pas en état de nous suivre. » Je ne crus pas devoir insister fort sur cela, de crainte que l'on ne se rendît à mes instances. Je parus seulement très mortifié de ne pouvoir être de la partie. Ce que je fis d'un air si naturel qu'ils sortirent tous du souterrain sans avoir le moindre soupçon de mon projet. Après leur départ, que j'avais tâché de hâter par mes vœux, je m'adressai ce discours. « Ô sage Gil Blas, c'est à présent qu'il faut avoir de la résolution. Arme-toi de courage pour achever ce que tu as si heureusement commencé. Domingo n'est point en état de s'opposer à ton entreprise, et Leonardo ne peut t'empêcher de l'exécuter. Saisis cette occasion de t'échapper. Tu n'en trouveras jamais peut-être une plus favorable. » Ces réflexions me remplirent de confiance. Je me levai. Je pris mon épée et mes pistolets, et j'allai d'abord à la cuisine. Mais avant que d'y entrer, comme j'entendis parler Léonarde, je m'arrêtai pour écouter. Elle parlait à la dame inconnue, qui avait repris ses esprits et qui, considérant toute son infortune, pleurait alors et se désespérait. « Pleurez, ma fille, lui disait-elle, fondez en larmes, n'épargnez point les soupirs, cela vous soulagera. Votre saisissement était dangereux, mais il n'y a plus rien à craindre puisque vous versez des pleurs. Votre douleur s'apaisera peu à peu, et vous vous accoutumerez à vivre ici avec nos messieurs, qui sont d'honnêtes gens. Vous serez mieux traité qu'une princesse. Ils auront pour vous 1000 complaisances, et vous témoigneront tous les jours de l'affection. Il y a bien des femmes qui voudraient être à votre place. » Je ne donnai pas le temps à Léonard d'en dire davantage. J'entrai, et lui mettant un pistolet sur la gorge, je la pressai d'un air menaçant de me remettre la clé de la grille. Elle fut troublée de mon action. Et, quoique très avancée dans sa carrière, elle se sentit encore assez attachée à la vie pour n'oser me refuser ce que je lui demandais. Lorsque j'eus la clé entre les mains, j'adressai la parole à la dame affligée. « Madame, lui dis-je, le ciel vous a envoyé un libérateur. Levez-vous pour me suivre. Je vais vous mener où il vous plaira que je vous conduise. » La dame ne fut pas sourde à ma voix, et mes paroles firent tant d'impression sur son esprit que, rappelant tout ce qui lui restait de force, elle se leva et vint se jeter à mes pieds et me conjura de conserver son honneur. Je la relevai et l'assurai qu'elle pouvait compter sur moi. Ensuite, je pris des cordes que j'aperçus dans la cuisine et, à l'aide de la dame, je liai Léonarde au pied d'une grosse table en lui protestant que je la tuerais si elle poussait le moindre cri. Après cela, j'allumai de la bougie et j'allai avec l'inconnu à la chambre où étaient les espèces d'or et d'argent. Je mis dans mes poches autant de pistoles et de doubles pistoles qu'il y en put tenir. Et pour obliger la dame à s'en charger aussi, je lui représentai qu'elle ne faisait que reprendre son bien. Quand nous en eûmes une bonne provision, nous marchâmes vers l'écurie, où j'entrai seul avec mes pistolets en état. Je comptais bien que le vieux nègre, malgré sa goutte et son rhumatisme, ne me laisserait pas tranquillement seller et brider mon cheval, et j'étais dans la résolution de le guérir pour jamais de ses maux s'il s'avisait de vouloir faire le méchant. Mais, par bonheur, il était alors si accablé des douleurs qu'il avait souffertes et de celles qu'il souffrait encore, que je tirai mon cheval de l'écurie sans même qu'il parût s'en apercevoir. La dame m'attendait à la porte. Nous enfilâmes promptement l'allée par où l'on sortait du souterrain. Nous arrivons à la grille, nous l'ouvrons et nous parvenons enfin à la trappe. Nous eûmes beaucoup de peine à la lever, ou plutôt, pour en venir à bout, nous eûmes besoin de la force nouvelle que nous prêta l'envie de nous sauver. Le jour commençait à paraître lorsque nous nous vîmes hors de cet abîme. Nous songeâmes aussitôt à nous en éloigner. Je me jetai en selle, la dame monta derrière moi, et suivant au galop le premier sentier qui se présenta, nous sortîmes bientôt de la forêt. Nous entrâmes dans une plaine coupée de plusieurs routes. Nous en prîmes une au hasard. Je mourais de peur qu'elle ne nous conduisît à Mansilla et que nous ne rencontrassions le Rolando et ses camarades. Heureusement, ma crainte fut vaine. Nous arrivâmes à la ville d'Astorga sur les 2 heures après-midi. J'aperçus des gens qui nous regardaient avec une extrême attention, comme si c'eût été pour eux un spectacle nouveau de voir une femme à cheval derrière un homme. Nous descendîmes à la première hôtellerie. J'ordonnai d'abord qu'on mit à la broche une perdrix et un lapereau. Pendant qu'on exécutait mon ordre, je conduisis la dame à une chambre où nous commençâmes à nous entretenir, ce que nous n'avions pu faire en chemin parce que nous étions venus trop vite. Elle me témoigna combien elle était sensible au service que je venais de lui rendre et me dit qu'après une action si généreuse, elle ne pouvait se persuader que je fusse un compagnon des brigands à qui je l'avais arraché. Je lui contai mon histoire pour confirmer la bonne opinion qu'elle avait conçue de moi. Par là, je l'engageai à me donner sa confiance et à m'apprendre ses malheurs, qu'elle me raconta comme je vais le dire dans le chapitre suivant. Chapitre 11. Histoire de Doña Mencia de Mosquera. Je suis née à Valladolid et je m'appelle Doña Mencia de Mosquera. Don Martin, mon père, après avoir consommé presque tout son patrimoine dans le service, fut tué en Portugal à la tête d'un régiment qu'il commandait. Il me laissa si peu de biens que j'étais un assez mauvais parti, quoique je fusse fille unique. Je ne manquais pas toutefois d'amants, malgré la médiocrité de ma fortune. Plusieurs cavaliers des plus considérables d'Espagne me recherchèrent en mariage. Celui qui attira mon attention fut Don Alvar de Melo. Véritablement, il était mieux fait que ses rivaux, mais des qualités plus solides me déterminèrent en sa faveur. Il avait de l'esprit, de la discrétion, de la valeur et de la probité. D'ailleurs, il pouvait passer pour l'homme du monde le plus galant. Fallait-il donner une fête? Rien n'était mieux entendu. Et s'il paraissait dans des joutes, il y faisait toujours admirer sa force et son adresse. Je le préférais donc à tous les autres, et je l'épousai. Peu de jours après notre mariage, il rencontra dans un endroit écarté Don André de Baeza, qui avait été l'un de ses rivaux. Ils se piquèrent l'un l'autre et mirent l'épée à la main. Il en coûta la vie à Don André. Comme il était neveu du corregidor de Valladolid, homme violent et mortel ennemi de la maison de Melo, Don Alvar crut ne pouvoir assez tôt sortir de la ville. Il revint promptement au logis où, pendant qu'on lui préparait un cheval, il me conta ce qui venait de lui arriver. « Ma chère Mencia, me dit-il ensuite, il faut nous séparer. Vous connaissez le corregidor. Ne nous flattons point, il va me poursuivre vivement. Vous n'ignorez pas quel est son crédit. Je ne serai pas en sûreté dans le royaume. » Il était si pénétré de sa douleur et de celle dont il me voyait saisi qu'il n'en put dire davantage. Je lui fis prendre de l'or et quelques pierreries. Puis il me tendit les bras et nous ne fîmes pendant un quart d'heure que confondre nos soupirs et nos larmes. Enfin, on vint l'avertir que le cheval était prêt. Il s'arrache d'auprès de moi, il part et me laisse dans un état qu'on ne saurait représenter. Heureuse si l'excès de mon affliction m'eût alors fait mourir. Que ma mort m'aurait épargné de peines et d'ennuis. Quelques heures après que Don Alvar fut parti, le corregidor a pris sa fuite. Il le fit poursuivre et n'épargna rien pour l'avoir en sa puissance. Mon époux toutefois trompa sa poursuite et sut se mettre en sûreté. De manière que le juge, se voyant réduit à borner sa vengeance à la seule satisfaction d'ôter les biens à un homme dont il aurait voulu verser le sang, il n'y travailla pas en vain. Tout ce que Don Alvar pouvait avoir de fortune fut confisqué. Je demeurai dans une situation très affligeante. J'avais à peine de quoi subsister. Je commençais à mener une vie retirée, n'ayant qu'une femme pour tout domestique. Je passais les jours à pleurer, non une indigence que je supportais patiemment, mais l'absence d'un époux chéri, dont je ne recevais aucune nouvelle. Il m'avait pourtant promis, dans nos tristes adieux, qu'il aurait soin de m'informer de son sort, dans quelque endroit du monde où sa mauvaise étoile pût le conduire. Cependant, 7 années s'écoulèrent sans que j'entendisse parler de lui. L'incertitude où j'étais de sa destinée me causait une profonde tristesse. Enfin, j'appris qu'en combattant pour le roi de Portugal, dans le royaume de Fès, il avait perdu la vie dans une bataille. Un homme revenu depuis peu d'Afrique me fit ce rapport, en m'assurant qu'il avait parfaitement connu Don Alvar de Melo, qu'il avait servi dans l'armée portugaise avec lui et qu'il l'avait vu périr dans l'action. Il ajoutait à cela d'autres circonstances encore qui achevèrent de me persuader que mon époux n'était plus. Dans ce temps-là, Don Ambrosio Messia Carrillo, marquis de la Guardia, vint à Valladolid. C'était un de ces vieux seigneurs qui, par leurs manières galantes et polies, font oublier leur âge et savent encore plaire aux femmes. Un jour, on lui conta par hasard l'histoire de Don Alvar et, sur le portrait qu'on lui fit de moi, il eut envie de me voir. Pour satisfaire sa curiosité, il gagna une de mes parentes qui m'attira chez elle. Il s'y trouva, il me vit et je lui plus, malgré l'impression de douleur qu'on remarquait sur mon visage. Mais que dis-je malgré ? Peut-être ne fut-il touché que de mon air triste et languissant qui le prévenait en faveur de ma fidélité. Ma mélancolie, peut-être, fit naître son amour. Aussi bien, il me dit plus d'une fois qu'il me regardait comme un prodige de constance. Et même qu'il enviait le sort de mon mari, quelque déplorable qu'il fût d'ailleurs. En un mot, il fut frappé de ma vue, et il n'eut pas besoin de me voir une seconde fois pour prendre la résolution de m'épouser. Il choisit l'entremise de ma parente pour me faire agréer son dessein. Elle me vint trouver et me représenta que mon époux, ayant achevé son destin dans le royaume de Fès, comme on nous l'avait rapporté, il n'était pas raisonnable d'ensevelir plus longtemps mes charmes, que j'avais assez pleuré un homme avec qui je n'avais été unie que quelques moments, et que je devais profiter de l'occasion qui se présentait, que je serais la plus heureuse femme du monde. Là-dessus, elle me vanta la noblesse du vieux marquis, ses grands biens et son bon caractère. Mais elle eut beau s'étendre avec éloquence sur tous les avantages qu'il possédait, elle ne put me persuader. Ce n'est pas que je doutasse de la mort de Don Alvar, ni que la crainte de le revoir tout à coup, lorsque j'y penserais le moins, m'arrêta. Le peu de penchant, ou plutôt la répugnance, que je me sentais pour un second mariage, après tous les malheurs du premier, faisait le seul obstacle que ma parente eût à lever. Aussi ne se rebuta-t-elle point. Au contraire, son zèle pour Don Ambrosio en redoubla. Elle engagea toute ma famille dans les intérêts de ce vieux seigneur. Mes parents commencèrent à me presser d'accepter un parti si avantageux. J'en étais à tout moment obsédée, importunée, tourmentée. Il est vrai que ma misère, qui devenait de jour en jour plus grande, ne contribua pas peu à laisser convaincre ma résistance. Je ne pus donc m'en défendre. Je cédai à leurs pressantes instances et j'épousai le marquis de la Guardia, qui, dès le lendemain de mes noces, m'emmena dans un très beau château qu'il a auprès de Burgos, entre Grajal et Rodillas. Il conçut pour moi un amour violent. Je remarquai dans toutes ses actions une envie de me plaire. Il s'étudiait à prévenir mes moindres désirs. Jamais époux n'a eu tant d'égards pour une femme. Et jamais amant n'a fait voir tant de complaisance pour une maîtresse. J'aurais passionnément aimé Don Ambrosio, malgré la disproportion de nos âges, si j'eusse été capable d'aimer quelqu'un après Don Alvar. Mais les cœurs constants ne sauraient avoir qu'une passion. Le souvenir de mon premier époux rendait inutiles tous les soins que le second prenait pour me plaire. Je ne pouvais donc payer sa tendresse que de purs sentiments de reconnaissance. J'étais dans cette disposition quand, prenant l'air un jour à une fenêtre de mon appartement, j'aperçus dans le jardin une manière de paysan qui me regardait avec attention. Je crus que c'était un garçon jardinier. Je pris peu garde à lui. Mais le lendemain, m'étant remise à la fenêtre, je le vis au même endroit et il me parut encore fort attaché à me considérer. Cela me frappa. Je l'envisageai à mon tour. Et après l'avoir observé quelque temps, il me sembla reconnaître les traits du malheureux Don Alvar. Cette apparition excita dans tous mes sens un trouble inconcevable. Je poussai un grand cri. J'étais alors, par bonheur, seule avec Inès, celle de toutes mes femmes qui avait le plus de part à ma confiance. Je lui dis le soupçon qui agitait mes esprits. Elle ne fit qu'en rire, et elle s'imagina qu'une légère ressemblance avait trompé mes yeux. « Rassurez-vous, madame, me dit-elle, et ne pensez pas que vous ayez vu votre premier époux. Quelle apparence y a-t-il qu'il soit ici sous une forme de paysan? Est-il même croyable qu'il vive encore? Je vais, ajouta-t-elle, descendre au jardin et parler à ce villageois. Je saurai quel homme c'est, et je reviendrai dans un moment vous en instruire. » Inès alla donc au jardin. Et peu de temps après, je la vis rentrer dans mon appartement fort émue. « Madame, dit-elle, votre soupçon n'est que trop bien éclairci. C'est Don Alvar lui-même que vous venez de voir. Il s'est découvert d'abord et il vous demande un entretien secret. » Comme je pouvais à l'heure même recevoir Don Alvar parce que le marquis était à Burgos, je chargeai ma suivante de me l'amener dans mon cabinet par un escalier dérobé. Vous jugez bien que j'étais dans une terrible agitation. Je ne pus soutenir la vue d'un homme qui était en droit de m'accabler de reproches. Je m'évanouis dès qu'il se présenta devant moi. Ils me secoururent promptement, Inès et lui, et quand ils m'eurent fait revenir de mon évanouissement, Don Alvar me dit « Madame, remettez-vous de grâce, que ma présence ne soit pas un supplice pour vous. Je n'ai pas dessein de vous faire la moindre peine. Je ne viens point en époux furieux vous demander compte de la foi jurée et vous faire un crime du second engagement que vous avez contracté. Je n'ignore pas que c'est l'ouvrage de votre famille. Toutes les persécutions que vous avez souffertes à ce sujet me sont connues. D'ailleurs, on a répandu dans Valladolid le bruit de ma mort, et vous l'avez cru avec d'autant plus de fondement qu'aucune lettre de ma part ne vous assurait du contraire. Enfin, je sais de quelle manière vous avez vécu depuis notre cruelle séparation, et que la nécessité, plutôt que l'amour, vous a jeté dans ses bras. Ah, Seigneur, interrompis-je en pleurant, pourquoi voulez-vous excuser votre épouse? Elle est coupable, puisque vous vivez. Que ne suis-je encore dans la misérable situation où j'étais avant que d'épouser Don Ambrosio? Funeste Hyménée! Hélas, j'aurais du moins dans ma misère la consolation de vous revoir sans rougir. Ma chère Mencia, reprit Don Alvar, d'un air qui marquait jusqu'à quel point il était pénétré de mes larmes, je ne me plains pas de vous, et bien loin de vous reprocher l'état brillant où je vous retrouve, je jure que j'en rends grâce au ciel. Depuis le triste jour de mon départ de Valladolid, j'ai toujours eu la fortune contraire. Ma vie n'a été qu'un enchaînement d'infortunes. Et pour comble de malheur, je n'ai pu vous donner de mes nouvelles. Trop sûr de votre amour, je me représentais sans cesse la situation où ma fatale tendresse vous avait réduite. Je me peignais, Doña Mencia, dans les pleurs. Vous faisiez le plus grand de mes maux. Quelquefois, je vous l'avouerai, je me suis reproché comme un crime le bonheur de vous avoir plu. J'ai souhaité que vous eussiez penché vers quelqu'un de mes rivaux, puisque la préférence que vous m'aviez donnée sur eux vous coûtait si cher. Cependant, après 7 années de souffrance, plus épris de vous que jamais, j'ai voulu vous revoir. Je n'ai pu résister à cette envie, et la fin d'un long esclavage m'ayant permis de la satisfaire, j'ai été sous ce déguisement à Valladolid, au hasard d'être découvert. Là, j'ai tout appris. Je suis venu ensuite à ce château, et j'ai trouvé moyen de m'introduire chez le jardinier qui m'a retenu pour travailler dans les jardins. Voilà de quelle manière je me suis conduit pour parvenir à vous parler secrètement. Mais ne vous imaginez pas que j'ai dessein de troubler, par mon séjour ici, la félicité dont vous jouissez. Je vous aime plus que moi-même. Je respecte votre repos et je vais, après cet entretien, achever loin de vous de tristes jours que je vous sacrifie. « Non, Don Alvar, non !» m'écriai-je à ces paroles. « Je ne souffrirai pas que vous me quittiez une seconde fois. Je veux partir avec vous. Il n'y a que la mort qui puisse désormais nous séparer. »« Croyez-moi, reprit-il, vivez avec Don Ambrosio. Ne vous associez point à mes malheurs. Laissez-moi soutenir tout le poids. » Il me dit encore d'autres choses semblables. Mais plus il paraissait vouloir s'immoler à mon bonheur, moins je me sentais disposée à y consentir. Lorsqu'il me vit ferme dans la résolution de le suivre, il changea tout à coup de ton, et prenant un air plus content. « Madame, me dit-il, puisque vous aimez encore assez Don Alvar pour préférer sa misère à la prospérité où vous êtes, allons donc demeurer à Betancos, dans le fond du royaume de Galice. J'ai là une retraite assurée. Si mes disgrâces m'ont ôté tous mes biens, elles ne m'ont point fait perdre tous mes amis. Il m'en reste encore de fidèles. » qui m'ont mis en état de vous enlever. J'ai fait faire un carrosse à Zamora par leur secours. J'ai acheté des mules et des chevaux et suis accompagné de 3 Galiciens des plus résolus. Ils sont armés de carabines et de pistolets et ils attendent mes ordres dans le village de Rodillas. Profitons, ajouta-t-il, de l'absence de Don Ambrosio. Je vais faire venir le carrosse jusqu'à la porte de ce château et nous partirons dans le moment. J'y consentis. Don Alvar vola vers Rodillas et revint en peu de temps avec ses 3 cavaliers, m'enlever au milieu de mes femmes, qui, ne sachant que penser de cet enlèvement, se sauvèrent fort effrayées. Inès seule était au fait. Mais elle refusa de lier son sort au mien, parce qu'elle aimait un valet de chambre de Don Ambrosio. Je montai donc en carrosse avec Don Alvar, n'emportant que mes hardes et quelques pierreries que j'avais avant mon second mariage, car je ne voulus rien prendre de tout ce que le marquis m'avait donné en m'épousant. Nous prîmes la route du royaume de Galice, sans savoir si nous serions assez heureux pour y arriver. Nous avions sujet de craindre que Don Ambrosio, à son retour, ne se mît sur nos traces avec un grand nombre de personnes et ne nous joignit. Cependant, nous marchâmes pendant 2 jours sans voir paraître à nos trousses aucun cavalier. Nous espérions que la troisième journée se passerait de même, et déjà nous nous entretenions fort tranquillement. Don Alvar me contait la triste aventure qui avait donné lieu au bruit de sa mort, et comment, après 5 années d'esclavage, il avait recouvré la liberté, quand nous rencontrâmes hier sur le chemin de Léon les voleurs avec qui vous étiez. C'est lui qu'ils ont tué avec tous ces gens, et c'est lui qui fait couler les pleurs que vous me voyez répandre en ce moment. Chapitre 12. De quelle manière désagréable Gil Blas et la dame furent interrompus. Doña Mencia fondit en larmes après avoir achevé ce récit. Je la laissai donner un libre cours à ses soupirs. Je pleurais même aussi, tant il est naturel de s'intéresser pour les malheureux, et particulièrement pour une belle personne affligée. J'allais lui demander quelle partie elle voulait prendre dans la conjoncture où elle se trouvait, et peut-être allait-elle me consulter là-dessus, si notre conversation n'eût pas été interrompue. Mais nous entendîmes dans l'hôtellerie un grand bruit qui, malgré nous, attira notre attention. Ce bruit était causé par l'arrivée du corregidor, suivi de 2 alguazils et de plusieurs archers. Ils vinrent dans la chambre où nous étions. Un jeune cavalier qui les accompagnait s'approcha de moi le premier et se mit à regarder de près mon habit. Il n'eut pas besoin de l'examiner longtemps. « Par Saint-Jacques ! » s'écria-t-il. « Voilà mon pourpoint ! C'est lui-même ! Il n'est pas plus difficile à reconnaître que mon cheval ! Vous pouvez arrêter ce galant sur ma parole. C'est un de ces voleurs qui ont une retraite inconnue en ce pays-ci. » À ce discours, qui m'apprenait que ce cavalier était le gentilhomme volé dont j'avais par malheur toute la dépouille, je demeurai surpris, confus, déconcerté. Le corregidor, que sa charge obligeait plutôt à tirer une mauvaise conséquence de mon embarras qu'à l'expliquer favorablement, jugea que l'accusation n'était pas mal fondée. Et, présumant que la dame pouvait être complice, il nous fit emprisonner tous deux séparément. Ce juge n'était pas de ceux qui ont le regard terrible. Il avait l'air doux et riant. Dieu sait s'il en valait mieux pour cela. Sitôt que je fus en prison, il y vint avec ses 2 furets, c'est-à-dire ses 2 alguazils. Ils n'oublièrent pas leur bonne coutume. Ils commencèrent par me fouiller. Quelle aubaine pour ces messieurs! Ils n'avaient jamais peut-être fait un si beau coup. À chaque poignée de pistole qu'ils tiraient, je voyais leurs yeux étinceler de joie. Le corregidor, surtout, paraissait hors de lui-même. « Mon enfant, me disait-il d'un ton de voix plein de douceur, nous faisons notre charge. Mais ne crains rien, si tu n'es pas coupable, on ne te fera point de mal. » Cependant, ils vidèrent tout doucement mes poches et me prirent ce que les voleurs même avaient respecté, je veux dire les 40 ducats de mon oncle. Ils n'en demeurèrent pas là. Leurs mains avides et infatigables me parcoururent depuis la tête jusqu'aux pieds. Ils me tournèrent de tous côtés et me dépouillèrent pour voir si je n'avais point d'argent entre la peau et la chemise. Après qu'ils eurent si bien fait leur charge, le corregidor m'interrogea. Je lui contai ingénument tout ce qui m'était arrivé. Il fit écrire ma déposition. Puis il sortit avec ses gens et mes espèces et me laissa tout nu sur la paille. « Oh, vie humaine ! » m'écriai-je quand je me vis seule et dans cet état. « Que tu es rempli d'aventures bizarres et de contretemps ! Depuis que je suis sortie d'Oviedo, je n'éprouve que des disgrâces. À peine suis-je hors d'un péril que je retombe dans un autre. En arrivant dans cette ville, j'étais bien éloignée de penser que j'y ferais bientôt connaissance avec le corregidor. En faisant ces réflexions inutiles, je remis le maudit pourpoint et le reste de l'habillement qui m'avait porté malheur. Puis, m'exhortant moi-même à prendre courage, « Allons, dis-je, Gil Blas, aie de la fermeté. Te sied-il bien de te désespérer dans une prison ordinaire après avoir fait un si pénible essai de patience dans le souterrain? Mais hélas, ajoutai-je tristement, je m'abuse. Comment pourrais-je sortir d'ici? On vient de m'en ôter les moyens. En effet, j'avais raison de parler ainsi. Un prisonnier sans argent est un oiseau à qui l'on a coupé les ailes. Au lieu de la perdrix et du lapereau que j'avais fait mettre à la broche, on m'apporta un petit pain bis avec une cruche d'eau, et on me laissa ronger mon frein dans mon cachot. J'y demeurai 15 jours entiers, sans voir personne que le concierge, qui avait soin de venir tous les matins renouveler ma provision. Dès que je le voyais, j'affectais de lui parler. Je tâchais de lier conversation avec lui pour me désennuyer un peu. Mais ce personnage ne répondait rien à tout ce que je lui disais. Il ne me fut pas possible d'en tirer une parole. Il entrait, mime, et sortait le plus souvent sans me regarder. Le 16e jour, le corregidor parut et me dit « Tu peux t'abandonner à la joie. Je viens t'annoncer une agréable nouvelle. J'ai fait conduire à Burgos la dame qui était avec toi. Je l'ai interrogée avant son départ et ses réponses vont à ta décharge. Tu seras élargi dès aujourd'hui, pourvu que le muletier avec qui tu es venu de Peñaflor à Cacabelos, comme tu me l'as dit, confirme ta déposition. Il est dans Astorga. Je l'ai envoyé chercher, je l'attends. S'il convient de l'aventure de la question, je te mettrai sur le champ en liberté. » Ces paroles me réjouirent. Dès ce moment, je me crus hors d'affaire. Je remerciai le juge de la bonne et brève justice qu'il voulait me rendre, et je n'avais pas encore achevé mon compliment que le muletier, conduit par deux archers, arriva. Je le reconnus aussitôt. Mais le muletier, qui sans doute avait vendu ma valise avec tout ce qui était dedans, craignant d'être obligé de restituer l'argent qu'il avait touché s'il avouait qu'il me reconnaissait, dit effrontément qu'il ne savait qui j'étais et qu'il ne m'avait jamais vu. « Ah, traître ! » m'écriai-je. « Confesse plutôt que tu as vendu mes hardes et rends témoignage à la vérité. Regarde-moi bien. Je suis un de ces jeunes gens que tu menaças de la question dans le bourg de Cacabelos et à qui tu fis si grand peur. » Le muletier répondit d'un ton froid que je lui parlais d'une chose dont il n'avait aucune connaissance. Et comme il soutint jusqu'au bout que je lui étais inconnu, mon élargissement fut remis à une autre fois. Il fallut m'armer d'une nouvelle patience, me résoudre à jeûner encore au pain et à l'eau, et à voir le silencieux concierge. Quand je songeais que je ne pouvais me tirer des griffes de la justice, bien que je n'eusse pas commis le moindre crime, cette pensée me mettait au désespoir. Je regrettais le souterrain. Dans le fond, disais-je, j'y avais moins de désagréments que dans ce cachot. Je faisais bonne chère avec les voleurs, je m'entretenais avec eux et je vivais dans la douce espérance de m'échapper. Au lieu que, malgré mon innocence, je serais peut-être trop heureux de sortir d'ici pour aller aux galères. Chapitre 13. Par quel hasard Gil Blas sortit enfin de prison et où il alla? Tandis que je passais les jours à m'égayer dans mes réflexions, mes aventures, telles que je les avais dictées dans ma déposition, se répandirent dans la ville. Plusieurs personnes me voulurent voir par curiosité. Ils venaient l'un après l'autre se présenter à une petite fenêtre par où le jour entrait dans ma prison, et lorsqu'ils m'avaient considéré quelque temps, ils s'en allaient. Je fus surpris de cette nouveauté. Depuis que j'étais prisonnier, je n'avais pas vu un seul homme se montrer à cette fenêtre, qui donnait sur une cour où régnait le silence et l'horreur. Je compris par là que je faisais du bruit dans la ville, et je ne savais si j'en devais concevoir un bon ou un mauvais présage. Un de ceux qui s'offrirent des premiers à ma vue fut le petit chantre de Mondofiedo, qui avait aussi bien que moi craint la question et pris la fuite. Je le reconnus et il ne feignit point de me méconnaître. Nous nous saluâmes de part et d'autre. Puis nous nous engageâmes dans un long entretien. Je fus obligé de faire un nouveau détail de mes aventures. De son côté, le chantre me conta ce qui s'était passé dans l'hôtellerie de Cacabelos entre le muletier et la jeune femme, après qu'une terreur panique nous en eût écartés. En un mot, il m'a pris tout ce que j'en ai dit ici-devant. Ensuite, prenant congé de moi, il me promit que, sans perdre de temps, il allait travailler à ma délivrance. Alors, toutes les personnes qui étaient venues là, comme lui, par curiosité, me témoignèrent de que mon malheur excitait leur compassion. Ils m'assurèrent même qu'ils se joindraient au petit chantre et feraient tout leur possible pour me procurer la liberté. Ils tinrent effectivement leur promesse. Ils parlèrent à ma faveur au corrigidor, qui, ne doutant plus de mon innocence, surtout lorsque le chantre lui eut conté ce qu'il savait, vint 3 semaines après dans ma prison. « Gil Blas, me dit-il, je ne veux pas traîner les choses en longueur. Va, tu es libre. Tu peux sortir quand il te plaira. » « Mais dis-moi, poursuivit-il, si l'on te menait dans la forêt où est le souterrain, ne pourrais-tu pas le découvrir ?»« Non, seigneur, lui répondis-je, comme je n'y suis entré que la nuit et que j'en suis sorti avant le jour, il me serait impossible de reconnaître l'endroit où il est. » Là-dessus, le juge se retira en disant qu'il allait ordonner au concierge de m'ouvrir les portes. En effet, un moment après, le geôlier vint dans mon cachot avec un de ses guichetiers qui portait un paquet de toile. Ils m'ôtèrent tous deux, d'un air grave et sans me dire un seul mot, mon pourpoint et mon haut de chausses, qui étaient d'un drap fin et presque neuf. Puis, m'ayant revêtu d'une vieille sous-quenille, ils me mirent dehors par les épaules. La confusion que j'avais de me voir si mal équipé modérer la joie qu'ont ordinairement les prisonniers de recouvrer la liberté. J'étais tentée de sortir de la ville à l'heure même pour me soustraire aux yeux du peuple dont je ne soutenais les regards qu'avec peine. Ma reconnaissance pourtant l'emporta sur ma honte. J'allais remercier le petit chantre à qui j'avais tant d'obligations. Il ne put s'empêcher de rire lorsqu'il m'aperçut. « Comme vous voilà, me dit-il. La justice, à ce que je vois, vous en a donné de toutes les façons. » Je ne me plains pas de la justice, lui répondis-je. Elle est très équitable. Je voudrais seulement que tous ces officiers fussent d'honnêtes gens. Ils devaient du moins me laisser mon habit. Il me semble que je ne l'avais pas mal payé. J'en conviens, reprit-il, mais on vous dira que ce sont des formalités qui s'observent. Et vous imaginez-vous, par exemple, que votre cheval ait été rendu à son premier maître ? Non pas, s'il vous plaît. Il est actuellement dans les écuries du greffier, où il a été déposé comme une preuve de vol. Je ne crois pas que le pauvre gentilhomme en retire seulement la croupière. Mais changeons de discours, continua-t-il. Quel est votre dessein? Que prétendez-vous faire présentement? J'ai envie, lui dis-je, de prendre le chemin de Burgos. J'irai trouver la dame dont je suis le libérateur. Elle me donnera quelques pistoles. J'achèterai une soutanelle neuve et je me rendrai à Salamanque où je tâcherai de mettre mon latin à profit. Tout ce qui m'embarrasse, c'est que je ne suis pas encore à Burgos. Il faut vivre sur la route. Je vous entends, répliqua-t-il, et je vous offre ma bourse. Elle est un peu plate, à la vérité, mais vous savez qu'un chantre n'est pas un évêque. En même temps, il la tira et me la mit entre les mains de si bonne grâce que je ne pus me défendre de la retenir telle qu'elle était. Je le remerciai comme s'il m'eût donné tout l'or du monde et lui fis 1000 protestations de service qui n'ont jamais eu d'effet. Après cela, je le quittai et sortis de la ville sans aller voir les autres personnes qui avaient contribué à mon élargissement. Je me contentai de leur donner en moi-même 1000 bénédictions. Le petit chantre avait eu raison de ne me pas vanter sa bourse. J'y trouvais fort peu d'argent. Par bonheur, j'étais accoutumée depuis 2 mois à une vie très frugale, et il me restait encore quelques réaux lorsque j'arrivai au bourg de Ponte de Mula, qui n'est pas éloigné de Burgos. Je m'y arrêtai pour demander des nouvelles de Doña Mencia. J'entrai dans une hôtellerie dont l'hôtesse était une petite femme fort sèche, vive et hagarde. Je m'aperçus d'abord, à la mauvaise mine qu'elle me fit, que ma sous-quenille n'était guère de son goût. Ce que je lui pardonnais volontiers. Je m'assieds à une table, je mangeai du pain et du fromage, et bus quelques coups d'un vin détestable qu'on m'apporta. Pendant ce repas, qui s'accordait assez avec mon habillement, je voulus entrer en conversation avec l'hôtesse. Je la priai de me dire si elle connaissait le marquis de la Guardia, si son château était éloigné du bourg, et surtout si elle savait ce que la marquise, sa femme, pouvait être devenue. « Vous demandez bien des choses, » me répondit-elle d'un air dédaigneux. Elle m'apprit pourtant, quoique de fort mauvaise grâce, que le château de Don Ambrosio n'était qu'à une petite lieue de Ponte de Moules. Après que j'eus achevé de boire et de manger, comme il était nuit, je témoignai que je souhaitais de me reposer, et je demandai une chambre. « À vous, une chambre ?» me dit l'hôtesse en me lançant un regard plein de mépris et de fierté. « Je n'ai point de chambre pour les gens qui font leur souper d'un morceau de fromage. Tous mes lits sont retenus. J'attends des cavaliers d'importance qui doivent venir loger ici ce soir. Tout ce que je puis faire pour votre service, c'est de vous mettre dans ma grange. Ce ne sera pas, je pense, la première fois que vous aurez couché sur la paille. » Elle ne croyait pas si bien dire qu'elle disait. Je ne répliquai point à son discours et je pris sagement le parti de gagner le paillet sur lequel je m'endormis bientôt comme un homme qui, depuis longtemps, était fini à la fatigue. Chapitre 14. De la réception que Doña Mencia fit à Burgos. Je ne fus pas paresseux à me lever le lendemain matin. J'allai compter avec l'hôtesse, qui était déjà sur pied, et qui me parut un peu moins fière et de meilleure humeur que le soir précédent. Ce que j'attribuais à la présence de trois honnêtes archers de la Sainte Hermandad qui s'entretenaient avec elle d'une façon très familière. Ils avaient couché dans l'hôtellerie et c'était sans doute pour ces cavaliers d'importance que tous les lits avaient été retenus. Je demandai dans le bourg le chemin du château où je voulais me rendre. Je m'adressai, par hasard, à un homme du caractère de mon hôte de Peñaflor. Il ne se contenta pas de répondre à la question que je lui faisais. Il m'apprit que Don Ambrosio était mort depuis 3 semaines et que la marquise, sa femme, avait pris le parti de se retirer dans un couvent de Burgos qu'il me nomma. Je marchai aussitôt vers cette ville, au lieu de suivre la route du château comme j'en avais dessein auparavant, et je volai d'abord au monastère où demeurait Doña Mencia. Je priai la tourière de dire à cette dame qu'un jeune homme nouvellement sorti des prisons d'Astorga souhaitait de lui parler. La tourière alla sur le champ faire ce que je désirais. Elle revint et me fit entrer dans un parloir où je ne fus pas longtemps sans voir paraître en grand deuil, à la grille, la veuve de Don Ambrosio. « Soyez le bienvenu, me dit cette dame. Il y a 4 jours que j'ai écrit à une personne d'Astorga. Je lui demandais de vous aller trouver de ma part et de vous dire que je vous priais instamment de me venir chercher au sortir de votre prison. Je ne doutais pas qu'on ne vous élargît bientôt. Les choses que j'avais dites au corregidor à votre décharge suffisaient pour cela. Aussi m'a-t-on fait réponse que vous aviez recouvré la liberté, mais qu'on ne savait ce que vous étiez devenu. Je craignais de ne plus vous revoir et d'être privé du plaisir de vous témoigner ma reconnaissance. « Consolez-vous, » ajouta-t-elle en remarquant la honte que j'avais de me présenter à ses yeux sous un misérable habillement. « Que l'état où je vous vois ne vous fasse pas de peine. Après le service important que vous m'avez rendu, je serais la plus ingrate de toutes les femmes si je ne faisais rien pour vous. Je prétends vous tirer de la mauvaise situation où vous êtes. Je le dois et je le puis. J'ai des biens assez considérables pour pouvoir m'acquitter envers vous sans m'incommoder. Vous savez, continua-t-elle, mes aventures, jusqu'au jour où nous fûmes emprisonnés tous deux. Je vais vous conter ce qui m'est arrivé depuis. Lorsque le corregidor d'Astorga m'eut fait conduire à Burgos, après avoir entendu de ma bouche un fidèle récit de mon histoire, je me rendis au château d'Ambrosio. Mon retour y causa une extrême surprise, mais on me dit que je revenais trop tard, que le marquis, frappé de ma fuite comme d'un coup de foudre, était tombé malade et que les médecins désespéraient de sa vie. Ce fut pour moi un nouveau sujet de me plaindre de la rigueur de ma destinée. Cependant, je le fis avertir que je venais d'arriver. Puis j'entrai dans sa chambre et courus me jeter à genoux au chevet de son lit, le visage couvert de larmes et le cœur pressé de la plus vive douleur. « Qui vous ramène ici ?» me dit-il dès qu'il m'aperçut. « Venez-vous contempler votre ouvrage ? Ne vous suffit-il pas de m'ôter la vie ? Faut-il, pour vous contenter, que vos yeux soient témoins de ma mort ?»« Seigneur, lui répondis-je, Inès a dû vous dire que je fuyais avec mon premier époux, et sans le triste accident qui me l'a fait perdre, vous ne m'auriez jamais revu. » En même temps, je lui appris que Don Alvar avait été tué par des voleurs, qu'ensuite on m'avait mené dans un souterrain. Je racontai tout le reste, et lorsque j'eus achevé de parler, Don Ambrosio me tendit la main. « C'est assez, me dit-il tendrement, je cesse de me plaindre de vous. Et dois-je en effet vous faire des reproches ? Vous retrouvez un époux chéri, vous m'abandonnez pour le suivre. Puis-je blâmer cette conduite ? Non, madame, j'aurais tort d'en murmurer. Aussi, je n'ai point voulu qu'on vous poursuivît. Je respectais dans votre ravisseur ses droits sacrés et le penchant même que vous aviez pour lui. Enfin, je vous fais justice, et par votre retour ici, vous regagnez toute ma tendresse. Oui, ma chère Mencia, votre présence me comble de joie. Mais hélas, je n'en jouirai pas longtemps. Je sens approcher ma dernière heure. À peine m'êtes-vous rendue qu'il faut vous dire un éternel adieu. » À ces paroles touchantes, mes pleurs redoublèrent. Je ressentis et fis éclater une affliction immodérée. Je doute que la mort de Don Alvar, que j'adorais, m'ait fait verser plus de larmes. Don Ambrosio n'avait pas un faux pressentiment de sa mort. Il mourut dès le lendemain, et je demeurai maîtresse du bien considérable dont il m'avait avantagée en m'épousant. Je n'en prétends pas faire un mauvais usage. On ne me verra point, quoique je sois jeune encore, passer dans les bras d'un troisième époux. Outre que cela nous convient, ce me semble, qu'à des femmes sans pudeur et sans délicatesse, je vous dirai que je n'ai plus de goût pour le monde. Je veux finir mes jours dans ce couvent et en devenir une bienfaitrice. » Tel fut le discours que me tint Doña Mencia. Puis elle tira de dessous sa robe une bourse qu'elle me mit entre les mains en me disant « Voilà 100 ducats que je vous donne seulement pour vous faire habiller. Revenez me voir après cela. Je n'ai pas dessein de borner ma reconnaissance à si peu de choses. » Je rendis 1000 grâces à la dame et lui jurai que je ne sortirais point de Burgos sans prendre congé d'elle. Ensuite de ce serment, que je n'avais pas envie de violer, j'allai chercher une hôtellerie. J'entrai dans la première que je rencontrai. Je demandai une chambre. Et pour prévenir la mauvaise opinion que ma souquenille pouvait encore donner de moi, je dis à l'hôte que tel qu'il me voyait, j'étais en état de bien payer mon gîte. À ces mots, l'hôte, appelé Marcello, grand railleur de son naturel, me parcourant des yeux depuis le haut jusqu'en bas, me répondit d'un air froid et malin qu'il n'avait pas besoin de cette assurance pour être persuadé que je ferais beaucoup de dépenses chez lui. Qu'au travers de mon habillement, il démêlait en moi quelque chose de noble, et qu'enfin, il ne doutait pas que je ne fusse un gentilhomme fort aisé. Je vis bien que le traître me raillait. Et pour mettre fin tout à coup à ses plaisanteries, je lui montrai ma bourse. Je comptai même devant lui mes ducats sur une table, et je m'aperçus que mes espèces le disposaient à juger de moi plus favorablement. Je le priai de me faire venir un tailleur. « Il vaut mieux, me dit-il, envoyer chercher un fripier. Il vous apportera toutes sortes d'habits et vous serez habillé sur le champ. » J'approuvai ce conseil et résolus de le suivre. Mais comme le jour était prêt à se fermer, je remis l'emplette au lendemain et je ne songeai qu'à bien souper pour me dédommager des mauvais repas que j'avais faits depuis ma sortie du souterrain. Chapitre 15. De quelle façon s'habilla Gil Blas, du nouveau présent qu'il reçut de la dame, et dans quel équipage il partit de Burgos. On me servit une copieuse fricassée de pieds de mouton que je mangeai presque tout entière. Je bus à proportion. Puis je me couchai. J'avais un assez bon lit et j'espérais qu'un profond sommeil ne tarderait guère à s'emparer de mes sens. Je ne pus toutefois fermer l'œil. Je ne fis que rêver à l'habit que je devais prendre. « Que faut-il que je fasse ? » disais-je. « Suivrai-je mon premier dessein ? Achèterai-je une soutanelle pour aller à Salamanque chercher une place de précepteur ? Pourquoi m'habiller en licencié ? Ai-je envie de me consacrer à l'état ecclésiastique ? Y suis-je entraîné par mon penchant ? Non, je me sens même des inclinations très opposées à ce parti-là. Je veux porter l'épée et tâcher de faire fortune dans le monde. » Je me résolus à prendre un habit de cavalier. J'attendis le jour avec la dernière impatience, et ses premiers rayons ne frappèrent pas plus tôt mes yeux que je me levai. Je fis tant de bruit dans l'hôtellerie que je réveillai tous ceux qui dormaient. J'appelai les valets qui étaient encore au lit et qui ne répondirent à ma voix qu'en me chargeant de malédictions. Ils furent pourtant obligés de se lever, et je ne leur donnai point de repos qu'ils ne m'eussent fait venir un fripier. J'en vis bientôt paraître un qu'on me mena. Il était suivi de deux garçons qui portaient chacun un gros paquet de toile verte. Il me salua fort civilement et me dit « Seigneur cavalier, vous êtes bien heureux qu'on se soit adressé à moi plutôt qu'à un autre. Je ne veux point ici décrier mes confrères. À Dieu ne plaise que je fasse le moindre tort à leur réputation. Mais entre nous, il n'y en a pas un qui ait de la conscience. Ils sont tous plus durs que des juifs. Je suis le seul fripier qui ait de la morale. Je me borne à un profit raisonnable. Je me contente de la livre pour sou. Je veux dire du sou pour livre. Grâce au ciel, j'exerce rondement ma profession. » Le fripier, après ce préambule que je pris sottement au pied de la lettre, dit à ses garçons de défaire leurs paquets. On me montra des habits de toutes sortes de couleurs, on m'en fit voir plusieurs de draps tout unis, je les rejetai avec mépris parce que je les trouvais trop modestes. Mais ils m'en firent essayer un qui semblait avoir été fait exprès pour ma taille et qui m'éblouit quoiqu'il fût un peu passé. C'était un pourpoint à manches tailladées avec un haut de chausse et un manteau, le tout de velours bleu brodé d'or. Je m'attachai à celui-là et je le marchandai. Le fripier, qui s'aperçut qu'il me plaisait, me dit que j'avais le goût délicat. « Vive Dieu !» s'écria-t-il, « on voit bien que vous vous y connaissez. Apprenez que cet habit a été fait pour un des plus grands seigneurs du royaume et qu'il ne l'a pas porté trois fois. Examinez-en le velours, il n'y en a point de plus beau. Et pour la broderie, avouez que rien n'est mieux travaillé. Combien, lui dis-je, voulez-vous le vendre ? 60 ducats, répondit-il. Je les ai refusés ou je ne suis pas honnête homme. L'alternative était convaincante. J'en offris 45. Il en valait peut-être la moitié. Seigneur gentilhomme, reprit froidement le fripier, je ne surfais point. Je n'ai qu'un mot. Tenez, continua-t-il en me présentant les habits que j'avais rebutés, prenez ceci, je vous en ferai meilleur marché. Il ne faisait qu'irriter par là l'envie que j'avais d'acheter celui que je marchandais. Et comme je m'imaginais qu'il ne voulait rien rabattre, je lui comptai 60 ducats. Quand il vit que je les donnais si facilement, je crois que, malgré sa morale, il fut bien fâché de n'en avoir pas demandé davantage. Assez satisfait pourtant d'avoir gagné la livre pour sou, il sortit avec ses garçons que je n'avais pas oubliés. J'avais donc un manteau, un pourpoint et un haut de chausse fort propre. Il fallut songer au reste de l'habillement, ce qui m'occupa toute la matinée. J'achetai du linge, un chapeau, des bas de soie, des souliers et une épée. Après quoi, je m'habillai. Quel plaisir j'avais de me voir si bien équipée. Mes yeux ne pouvaient, pour ainsi dire, se rassasier de mon ajustement. Jamais Pan n'a regardé son plumage avec plus de complaisance. Dès ce jour-là, je fis une seconde visite à Doña Mencia, qui me reçut encore d'un air très gracieux. Elle me remercia de nouveau du service que je lui avais rendu. Là-dessus, grands compliments de part et d'autre. Puis, me souhaitant toutes sortes de prospérité, elle me dit adieu et se retira sans me donner rien autre chose qu'une bague de 30 pistoles qu'elle me pria de garder pour me souvenir d'elle. Je demeurai bien sot avec ma bague. J'avais compté sur un présent plus considérable. Ainsi, peu content de la générosité de la dame, je regagnai mon hôtellerie en rêvant. Mais comme j'y entrai, il arriva un homme qui marchait sur mes pas et qui tout à coup, se débarrassant de son manteau qu'il avait sur le nez, laissa voir un gros sac qu'il portait sous l'aisselle. À l'apparition du sac, qui avait tout l'air d'être plein d'espèces, j'ouvris de grands yeux, aussi bien que quelques personnes qui étaient présentes. Et je crus entendre la voix d'un séraphin lorsque cet homme me dit, en posant le sac sur une table, « Seigneur Gil Blas, voilà ce que Madame la Marquise vous envoie. » Je fis de profondes révérences au porteur. Je l'accablai de civilité. Et dès qu'il fut hors de l'hôtellerie, je me jetai sur le sac comme un faucon sur sa proie et l'emportai dans ma chambre. Je le déliai sans perdre de temps et j'y trouvai 1000 ducats. J'achevai de les compter quand l'hôte, qui avait entendu les paroles du porteur, entra pour savoir ce qu'il y avait dans le sac. La vue de mes espèces étalées sur une table le frappa vivement. « Comment diable ? » s'écria-t-il. « Voilà bien de l'argent !»« Il faut, poursuivit-il en souriant d'un air malicieux, que vous sachiez tirer bon parti des femmes. Il n'y a pas 24 heures que vous êtes à Burgos et vous avez déjà des marquises sous contribution. » Ce discours ne me déplut point. Je fus tenté de laisser Maruelo dans son erreur. Je sentais qu'elle me faisait plaisir. Je ne m'étonne pas si les jeunes gens aiment à passer pour hommes à bonne fortune. Cependant, l'innocence de mes mœurs l'emporta sur ma vanité. Je désabusai mon hôte. Je lui contai l'histoire de Doña Mencia, qu'il écouta fort attentivement. Je lui dis ensuite l'état de mes affaires. Et comme il paraissait entrer dans mes intérêts, je le priai de m'aider de ses conseils. Il rêva quelque temps, puis il me dit d'un air sérieux « Seigneur Gil Blas, j'ai de l'inclination pour vous. » Et puisque vous avez assez de confiance en moi pour me parler à cœur ouvert, je vais vous dire sans flatterie à quoi je vous crois propre. Vous me semblez né pour la cour. Je vous conseille d'y aller et de vous attacher à quelque grand seigneur. Mais tâchez de vous mêler de ses affaires ou d'entrer dans ses plaisirs. Autrement, vous perdrez votre temps chez lui. Je connais les grands. Ils comptent pour rien le zèle et l'attachement d'un honnête homme. Ils ne se soucient que des personnes qui leur sont nécessaires. « Vous avez encore une ressource, » continua-t-il. « Vous êtes jeune, bien fait, et comme vous n'auriez pas d'esprit, c'est plus qu'il n'en faut pour entêter une riche veuve ou quelque jolie femme mal mariée. Si l'amour ruine des hommes qui ont du bien, il en fait souvent subsister d'autres qui n'en ont pas. Je suis donc d'avis que vous alliez à Madrid, mais il ne faut pas que vous y paraissiez sans suite. » On juge là, comme ailleurs, sur les apparences, et vous n'y serez considéré qu'à proportion de la figure qu'on vous verra faire. Je veux vous donner un valet, un domestique fidèle, un garçon sage, en un mot, un homme de ma main. Achetez 2 mules, l'une pour vous, l'autre pour lui, et partez le plus tôt qu'il vous sera possible. Ce conseil était trop de mon goût pour ne le pas suivre. Dès le lendemain, j'achetai 2 belles mules et j'arrêtai le valet dont on m'avait parlé. C'était un garçon de 30 ans qui avait l'air simple et dévot. Il me dit qu'il était du royaume de Galice et qu'il se nommait Ambroise de Lamelin. Au lieu que les autres domestiques sont fort intéressés, celui-ci ne se souciait point de gagner de bons gages. Il me témoigna même qu'il était homme à se contenter de ce que je voudrais bien avoir la bonté de lui donner. J'achetai aussi des bottines avec une valise pour serrer mon linge et mes ducats. Ensuite, je satisfis mon hôte et le jour suivant, je partis de Burgos avant l'aurore pour aller à Madrid. Chapitre 16. Qui fait voir qu'on ne doit pas trop compter sur la prospérité. Nous couchâmes à Dueñas la première journée et nous arrivâmes la seconde à Valladolid sur les 4 heures après-midi. nous descendîmes à une hôtellerie qui me parut devoir être une des meilleures de la ville. Je laissai le soin des mules à mon valet et montai dans une chambre où je fis porter ma valise par un garçon du logis. Comme je me sentais un peu fatiguée, je me jetai sur mon lit sans ôter mes bottines et je m'endormis insensiblement. Il était presque nuit lorsque je me réveillai. J'appelai Ambroise. Il ne se trouva point dans l'hôtellerie, mais il arriva bientôt. Je lui demandai d'où il venait. Il me répondit d'un air pieux qu'il sortait d'une église où il était allé remercier le ciel de nous avoir préservés de tout mauvais accident depuis Burgos jusqu'à Valladolid. J'approuvai son action. Ensuite, je lui ordonnai de faire mettre à la broche un poulet pour mon souper. Dans le temps que je lui donnais cet ordre, mon hôte entra dans ma chambre un flambeau à la main. Il éclairait une dame qui me parut plus belle que jeune et très richement vêtue. Elle s'appuyait sur un vieil écuyer et un petit mort lui portait la queue. Je ne fus pas peu surpris quand cette dame, après m'avoir fait une profonde révérence, me demanda si, par hasard, je n'étais point le seigneur Gil Blas de Santillane. Je n'eus pas sitôt répondu que oui, qu'elle quitta la main de son écuyer pour venir m'embrasser avec un transport de joie qui redoubla mon étonnement. « Le ciel, s'écria-t-elle, soit à jamais béni de cette aventure. C'est vous, seigneur cavalier, c'est vous que je cherche. » À ce début, je me ressouvins du parasite de Peignaflore et j'allais soupçonner la dame d'être une franche aventurière. Mais ce qu'elle ajouta m'en fit juger plus avantageusement. « Je suis, poursuivit-elle, cousine germaine Doña Menda de Masquera, qui vous a tant d'obligations. J'ai reçu ce matin une lettre de sa part. Elle me demande, qu'ayant appris que vous alliez à Madrid, elle me prie de vous bien régaler si vous passez par ici. Il y a 2 heures que je parcours toute la ville. Je vais d'hôtellerie en hôtellerie m'informer des étrangers qui y sont. Et j'ai jugé, sur le portrait que votre hôte m'a fait de vous, que vous pouviez être le libérateur de ma cousine. Ah, puisque je vous ai rencontré, continua-t-elle, je veux vous faire voir combien je suis sensible au service qu'on rend à ma famille et particulièrement à ma chère cousine. Vous viendrez, s'il vous plaît, dès ce moment loger chez moi. Vous y serez plus commodément qu'ici. Je voulus m'en défendre et représenter à la dame que je pourrais l'incommoder chez elle, mais il n'y eut pas moyen de résister à ses instances. Il y avait à la porte de l'hôtellerie un carrosse qui nous attendait. Elle prit soin elle-même de faire mettre ma valise dedans, parce qu'il y avait, disait-elle, bien des fripons à Valladolid, ce qui n'était que trop véritable. Enfin, je montai en carrosse avec elle et son vieux écuyer, et je me laissai de cette manière enlever de l'hôtellerie, au grand déplaisir de l'hôte, qui se voyait par là sevré de la dépense qu'il avait compté que je ferais chez lui. Notre carrosse, après avoir quelque temps roulé, s'arrêta. Nous en descendîmes pour entrer dans une assez grande maison et nous montâmes dans un appartement qui n'était pas mal propre et que 20 ou 30 bougies éclairaient. Il y avait là plusieurs domestiques à qui la dame demanda d'abord si Don Raphaël était arrivé. Ils répondirent que non. Alors, m'adressant la parole, « Seigneur Gil Blas, me dit-elle, j'attends mon frère qui doit revenir ce soir d'un château que nous avons à 2 lieues d'ici. » Quelle agréable surprise pour lui de trouver dans sa maison un homme à qui toute notre famille est si redevable. Dans le moment qu'elle achevait de parler ainsi, nous entendîmes du bruit et nous apprîmes en même temps qu'il était causé par l'arrivée de Don Raphaël. Ce cavalier parut bientôt. Je vis un jeune homme de belle taille et de fort bon air. « Je suis ravie de votre retour, mon frère, » lui dit la dame. « Vous m'aiderez à bien recevoir le seigneur Gil Blas de Santillane. Nous ne saurions assez reconnaître ce qu'il a fait pour Doña Mencia, notre parente. « Tenez, » ajouta-t-elle en lui présentant une lettre, « lisez ce qu'elle m'écrit. » Don Raphaël ouvrit le billet et lut tout haut ces mots. « Ma chère Camille, le seigneur Gil Blas de Santillane, qui m'a sauvé l'honneur et la vie, vient de partir pour la cour. Il passera sans doute par Valladolid. Je vous conjure par le sang et plus encore par l'amitié qui nous unit, de le régaler et de le retenir quelque temps chez vous. Je me flatte que vous me donnerez cette satisfaction et que mon libérateur recevra de vous et de Don Raphaël, mon cousin, toutes sortes de bons traitements. À Burgos, votre affectionnée cousine, Doña Mencia. Comment ? S'écria Don Raphaël après avoir lu la lettre. C'est à ce cavalier que ma parente doit l'honneur et la vie ? Ah, je rends grâce au ciel de cette heureuse rencontre. En parlant de la sorte, il s'approcha de moi et me serrant étroitement entre ses bras. « Quelle joie, poursuivit-il, j'ai de voir ici le seigneur Gil Blas de Santillane. Il n'était pas besoin que ma cousine la marquise nous recommandât de vous régaler. Elle n'avait seulement qu'à nous demander que vous deviez passer par Valladolid. Cela suffisait. Nous savons bien, ma sœur Camille et moi, comme il faut en user avec un homme qui a rendu le plus grand service du monde à la personne de notre famille que nous aimons le plus tendrement. » Je répondis le mieux qu'il me fut possible à ces discours qui furent suivis de beaucoup d'autres semblables et entremêlés de mille caresses. Après quoi, s'apercevant que j'avais encore mes bottines, il me les fit ôter par ses valets. Nous passâmes ensuite dans une chambre où l'on avait servi. Nous nous mîmes à table, le cavalier, la dame et moi. Ils me dirent 100 choses obligeantes pendant le souper. Il ne m'échappait pas un mot qu'ils ne relevassent comme un trait admirable. Et il fallait voir l'attention qu'ils avaient tous deux à me présenter de tous les mets. Don Raphaël buvait souvent à la santé de Doña Mencia. Je suivais son exemple. Et il me sembla quelquefois que Camille, qui trinquait avec nous, me lançait des regards qui signifiaient quelque chose. Je crus même remarquer qu'elle prenait son temps pour cela, comme si elle eût craint que son frère ne s'en aperçût. Il n'en fallut pas davantage pour me persuader que la dame en tenait, et je me flattais de profiter de cette découverte pour peu que je demeurasse à Valladolid. Cette espérance fut cause que je me rendis sans peine à la prière qu'ils me firent de vouloir bien passer quelques jours chez eux. Ils me remercièrent de ma complaisance, et la joie qu'en témoigna Camille confirma l'opinion que j'avais qu'elle me trouvait fort à son gré. Don Raphaël, me voyant déterminé à faire quelques séjours chez lui, me proposa de me mener à son château. Il m'en fit une description magnifique et me parla des plaisirs qu'il prétendait m'y donner. « Tantôt, disait-il, nous prendrons le divertissement de la chasse, tantôt celui de la pêche. Et si vous aimez la promenade, nous avons des bois et des jardins délicieux. D'ailleurs, nous aurons bonne compagnie. J'espère que vous ne vous ennuierez point. » J'acceptai la proposition et il fut résolu que nous irions à ce beau château dès le jour suivant. Nous nous levâmes de table en formant un si agréable dessin. Don Raphaël en parut transporté de joie. « Seigneur Gil Blas, dit-il en m'embrassant, je vous laisse avec ma sœur. Je vais de ce pas donner les ordres nécessaires et faire avertir toutes les personnes que je veux mettre de la partie. » À ces paroles, il sortit de la chambre où nous étions, et je continuai de m'entretenir avec la dame, qui ne démentit point par ses discours les douces œillades qu'elle m'avait jetées. Elle me prit par la main et, regardant ma bague, « Vous avez là, dit-elle, un diamant assez joli. Mais il est bien petit. Vous connaissez-vous en pierrerie ?» Je répondis que non. « J'en suis fâchée, reprit-elle, car vous me diriez ce que vaut celle-ci. » En achevant ces mots, elle me montra un gros rubis qu'elle avait au doigt. Et pendant que je le considérais, elle me dit « Un de mes oncles, qui a été gouverneur dans les habitations que les Espagnols ont aux îles Philippines, m'a donné ce rubis. Les joailliers de Valladolid l'estiment à 300 pistoles. »« Je le croirais bien, lui dis-je. Je le trouve parfaitement beau. »« Puisqu'il vous plaît, répliqua-t-elle, je veux faire un troc avec vous. » Aussitôt, elle prit ma bague et me mit la sienne au petit doigt. Après ce troc, qui me parut une manière galante de faire un présent, Camille me serra la main et me regarda d'un air tendre. Puis, tout à coup, rompant l'entretien, elle me donna le bonsoir et se retira toute confuse, comme si elle eût honte de me faire trop connaître ses sentiments. Quoique galant des plus novices, je sentis tout ce que cette retraite précipitée avait d'obligeant pour moi, et je jugeai que je ne passerais point mal le temps à la campagne. Plein de cette idée flatteuse et de l'état brillant de mes affaires, je m'enfermai dans la chambre où je devais coucher, après avoir dit à mon valet de venir me réveiller de bonne heure le lendemain. Au lieu de songer à me reposer, je m'abandonnai aux réflexions agréables que ma valise, qui était sur une table, et mon rubis m'inspirèrent. « Grâce au ciel, disais-je, si j'ai été malheureux, je ne le suis plus. 1000 ducats d'un côté, une bague de 300 pistoles de l'autre, me voilà pour longtemps en fond. » Marcello ne m'a point flatté. Je le vois bien. J'enflammerai 1000 femmes à Madrid, puisque j'ai plu si facilement à Camille. Les bontés de cette généreuse dame se présentaient à mon esprit avec tout leur charme, et je goûtais aussi par avance les divertissements que Don Raphaël me préparait dans son château. Cependant, parmi tant d'images de plaisir, le sommeil ne laissa pas de venir répandre sur moi ses pavots. Dès que je me sentis assoupi, je me déshabillai et me couchai. Le lendemain matin, lorsque je me réveillai, je m'aperçus qu'il était déjà tard. Je fus assez surpris de ne pas voir paraître mon valet après l'ordre qu'il avait reçu de moi. « Ambroise, dis-je en moi-même, mon fidèle Ambroise est à l'église, ou bien il est aujourd'hui fort paresseux. » Mais je perdis bientôt cette opinion de lui pour en prendre une plus mauvaise, car, m'étant levé et ne voyant plus ma valise, je le soupçonnais de l'avoir volée pendant la nuit. Pour éclaircir mes soupçons, j'ouvris la porte de ma chambre et j'appelai l'hypocrite à plusieurs reprises. Il vint à ma voix un vieillard qui me dit « Que souhaitez-vous, Seigneur? Tous vos gens sont sortis de ma maison avant le jour. »« Comment, de votre maison ? » m'écriai-je. « Est-ce que je ne suis pas ici chez Don Raphaël ?»« Je ne sais ce que c'est que ce cavalier, » dit-il. « Vous êtes dans un hôtel garni et j'en suis l'hôte. » Hier au soir, 1 heure avant votre arrivée, la dame qui a soupé avec vous vint ici et arrêta cet appartement pour un grand seigneur, disait-elle, qui voyage incognito. Elle m'a même payé d'avance. Je fus alors au fait. Je sus ce que je devais penser de Camille et de Don Raphaël, et je compris que mon valet, ayant une entière connaissance de mes affaires, m'avait vendu à ses fourbes. Au lieu de n'imputer qu'à moi ce triste incident et de songer qu'il ne me serait point arrivé si je n'eusse pas eu l'indiscrétion de m'ouvrir à Marcello sans nécessité, je m'en pris à la fortune innocente et maudis 100 fois mon étoile. Le maître de l'hôtel garni, à qui je contais l'aventure, qu'il savait peut-être aussi bien que moi, se montra sensible à ma douleur. Il me plaignit et me témoigna qu'il était très mortifié que cette scène se fût passée chez lui. Mais je crois, malgré ces démonstrations, qu'il n'avait pas moins de part à cette fourberie que mon hôte de Burgos, à qui j'ai toujours attribué l'honneur de l'invention. Chapitre 17. Quel parti prit Gil Blas après l'aventure de l'hôtel garni? Lorsque j'eus bien déploré mon malheur, je fis réflexion qu'au lieu de céder à mon chagrin, je devais plutôt me raidir contre mon mauvais sort. Je rappelai mon courage et, pour me consoler, je disais en m'habillant « Je suis encore trop heureux que les fripons n'aient pas emporté mes habits et quelques ducats que j'ai dans mes poches. » Je leur tenais compte de cette discrétion. Ils avaient même été assez généreux pour me laisser mes bottines, que je donnais à l'hôte pour 1/3 de ce qu'elles m'avaient coûté. Enfin, je sortis de l'hôtel garni sans avoir, Dieu merci, besoin de personne pour porter mes hardes. La première chose que je fis fut d'aller voir si mes mules ne seraient pas dans l'hôtellerie où j'étais descendu le jour précédent. Je jugeai bien qu'Ambroise ne les y avait pas laissées, et plût au ciel que j'eusse toujours jugé aussi sainement de lui. J'appris que, dès le soir même, il avait eu soin de les en retirer. Ainsi, contente de ne les plus revoir, non plus que ma valise, je marchais tristement dans les rues en rêvant au parti que je devais prendre. Je fus tentée de retourner à Burgos pour avoir encore une fois recours à Doña Mencia. Mais considérant que ce serait abuser des bontés de cette dame, et que d'ailleurs je passerais pour une bête, j'abandonnai cette pensée. Je jurai bien aussi que dans la suite je serais en garde contre les femmes. Je me serais alors défiée de la chaste Suzanne. Je jetai de temps en temps les yeux sur ma bague, et quand je venais à songer que c'était un présent de Camille, j'en soupirais de douleur. Hélas, disais-je en moi-même, je ne me connais point en rubis, mais je connais les gens qui les troquent. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que j'aille chez un joaillier pour être persuadé que je suis un sot. Je ne laissais pas toutefois de vouloir m'éclaircir de ce que valait ma bague, et je l'allai montrer à un lapidaire, qui l'estima 3 ducats. À cette estimation, quoiqu'elle ne m'étonnât point, je donnai au diable la nièce du gouverneur des îles Philippines. Ou plutôt, je ne fis que lui en renouveler le don. Comme je sortais de chez le lapidaire, il passa près de moi un jeune homme qui s'arrêta pour me considérer. Je ne me le remis pas d'abord, bien que je le connusse parfaitement. « Comment donc, Gil Blas, me dit-il, feignez-vous d'ignorer qui je suis ? Ou 2 années ont-elles si fort changé le fils du barbier Nunez que vous le méconnaissiez ? Ressouvenez-vous de Fabrice, votre compatriote et votre compagnon d'école. Nous avons si souvent disputé chez le docteur Godinez sur les universaux et sur les degrés métaphysiques. » Je le reconnus avant qu'il eût achevé ses paroles, et nous nous embrassâmes tous deux avec transport. « Eh, mon ami, reprit-il ensuite, que je suis ravi de te rencontrer. Je ne puis t'exprimer la joie que j'en ressens. » « Mais, poursuivit-il d'un air surpris, dans quel état t'offres-tu à ma vue ? Vive Dieu, te voilà vêtu comme un prince. Une belle épée, des bas de soie, un pourpoint et un manteau de velours relevé d'une broderie d'argent. Malpeste, cela sent diablement les bonnes fortunes. Je vais parier que quelque vieille femme libérale te fait part de ses largesses. » Tu te trompes, lui dis-je, mes affaires ne sont pas si florissantes que tu te l'imagines. À d'autres, répliqua-t-il, à d'autres, tu veux faire le discret. Et ce beau rubis que je vous vois au doigt, monsieur Gil Blas, d'où vous vient-il, s'il vous plaît ? Il me vient, lui répartis-je, d'une franche friponne. Fabrice, mon cher Fabrice, bien loin d'être la coqueluche des femmes de Valladolid, apprends, mon ami, que j'en suis la dupe. Je prononçai ces dernières paroles si tristement que Fabrice vit bien qu'on m'avait joué quelque tour. Il me pressa de lui dire pourquoi je me plaignais ainsi du beau sexe. Je me résolus sans peine à contenter sa curiosité. Mais comme j'avais un assez long récit à faire, et que d'ailleurs nous ne voulions pas nous séparer si tôt, nous entrâmes dans un cabaret pour nous entretenir plus commodément. Là, je lui contai, en déjeunant, tout ce qui m'était arrivé depuis ma sortie d'Aubier. Il trouva mes aventures assez bizarres, et après m'avoir témoigné qu'il prenait beaucoup de part à la fâcheuse situation où j'étais, il me dit « Il faut se consoler, mon enfant, de tous les malheurs de la vie. Un homme d'esprit est-il dans la misère ? Il attend avec patience un temps plus heureux. Jamais, comme dit Cicéron, il ne doit se laisser abattre jusqu'à ne plus se souvenir qu'il est un homme. Pour moi, je suis de ce caractère-là. Mes disgrâces ne m'accablent point. Je suis toujours au-dessus de la mauvaise fortune. Par exemple, j'aimais une fille de famille d'Aubier. J'en étais aimée. Je la demandai en mariage à son père. Il me la refusa. Un autre en serait mort de douleur. Moi, admire la force de mon esprit. J'enlevai la petite personne. Elle était vive, étourdie, coquette. Le plaisir, par conséquent, la déterminait toujours au préjudice du devoir. Je la promenai pendant 6 mois dans le royaume de Galice. De là, comme je l'avais mise dans le goût de voyager, elle eut envie d'aller en Portugal, mais elle prit un autre compagnon de voyage. Autre sujet de désespoir. Je ne succombais point encore sous le poids de ce nouveau malheur. Et, plus sage que Ménélas, au lieu de m'armer contre le Paris qui m'avait soufflé mon Hélène, je lui sus bon gré de m'en avoir défait. Après cela, ne voulant plus retourner dans les Asturies, Pour éviter toute discussion avec la justice, je m'avançai dans le royaume de Léon, dépensant de ville en ville l'argent qui me restait de l'enlèvement de mon infante. Car nous avions tous deux fait notre main en partant d'Obiedo. J'arrivai à Palencia avec un seul ducat, sur quoi je fus obligé d'acheter une paire de souliers. Le reste ne me mena pas bien loin. Ma situation devint embarrassante. Je commençais déjà même à faire diète. Il fallut promptement prendre un parti. Je résolus de me mettre dans le service. Je me plaçai d'abord chez un gros marchand de draps qui avait un fils libertin. J'y trouvai un asile contre l'abstinence et en même temps un grand embarras. Le père m'ordonna d'épier son fils. Le fils me pria de l'aider à tromper son père. Il fallait opter. Je préférais la prière au commandement, et cette préférence me fit donner mon congé. Je passai ensuite au service d'un vieux peintre, qui voulut, par amitié, m'enseigner les principes de son art. Mais en me les montrant, il me laissait mourir de faim. Cela me dégoûta de la peinture et du séjour de Palencia. Je vins à Valladolid, où, par le plus grand bonheur du monde, j'entrai dans la maison d'un administrateur de l'hôpital. J'y demeure encore, et je suis charmée de ma condition. Le seigneur Manuel Ordóñez, mon maître, est un homme d'une piété profonde. Il marche toujours les yeux baissés, avec un gros rosaire à la main. On dit que, dès sa jeunesse, n'ayant en vue que le bien des pauvres, il s'y est attaché avec un zèle infatigable. Aussi, ses soins ne sont-ils pas demeurés sans récompense. Tout lui a prospéré. Quelle bénédiction ! En faisant les affaires des pauvres, il s'est enrichi. Quand Fabrice m'eut tenu ce discours, je lui dis « Je suis bien aise que tu sois satisfait de ton sort, mais entre nous, tu pourrais, ce me semble, faire un plus beau rôle dans le monde. » « Tu n'y penses pas, Gil Blas, » me répondit-il. « Sache que, pour un homme de mon humeur, il n'y a point de situation plus agréable que la mienne. Le métier de laquais est pénible, je l'avoue, pour un imbécile, mais il n'a que des charmes pour un garçon d'esprit. Un génie supérieur qui se met en condition ne fait pas son service matériellement comme un nigo. Il entre dans une maison pour commander plutôt que pour servir. » Il commence par étudier son maître. Il se prête à ses défauts, gagne sa confiance et le mène ensuite par le nez. C'est ainsi que je me suis conduit chez mon administrateur. Je connus d'abord le pèlerin. Je m'aperçus qu'il voulait passer pour un saint personnage. Je feignis d'en être la dupe. Cela ne coûte rien. Je fis plus, je le copiai. Et jouant devant lui le même rôle qu'il fait devant les autres, je trompai le trompeur. Et je suis devenu peu à peu son factotum. J'espère que quelque jour je pourrai, sous ses auspices, me mêler des affaires des pauvres. Je ferai peut-être fortune aussi, car je me sens autant d'amour que lui pour leur bien. Voilà de belles espérances, repris-je, mon cher Fabrice, et je t'en félicite. Pour moi, je reviens à mon premier dessein. Je vais convertir mon habit brodé en soutanelle, me rendre à Salamanque, et là, me rangeant sous les drapeaux de l'université, remplir l'emploi de précepteur. « Beau projet !» s'écria Fabrice. « Agréable imagination ! Quelle folie de vouloir, à ton âge, se faire pédant ! Sais-tu bien, malheureux, à quoi tu t'engages en prenant ce parti ? Sitôt que tu seras placé, toute la maison t'observera. Tes moindres actions seront scrupuleusement examinées. Il faudra que tu te contraignes sans cesse, que tu te pars d'un extérieur hypocrite et paraisses posséder toutes les vertus. Tu n'auras presque pas un moment à donner à tes plaisirs. Censeur éternel de ton écolier, tu passeras les journées à lui enseigner le latin et à le reprendre quand il dira ou fera des choses contre la bienséance. Après tant de peines et de contraintes, quel sera le fruit de tes soins? Si le petit gentilhomme est un mauvais sujet, on dira que tu l'auras mal élevé. Et ses parents te renverront sans récompense, peut-être même sans te payer tes appointements. Ne me parle donc point d'un poste de précepteur, c'est un bénéfice à charge d'âme, mais parle-moi de l'emploi d'un laquais, c'est un bénéfice simple qui n'engage à rien. Un maître a-t-il des vices? Le génie supérieur qui le sert les flatte et souvent même les fait tourner à son profit. Un valet vit sans inquiétude dans une bonne maison. Après avoir bu et mangé tout son sou, il s'endort tranquillement comme un enfant de famille, sans s'embarrasser du boucher ni du boulanger. « Je ne finirai point, mon enfant, poursuivit-il, si je voulais dire tous les avantages des valets. Crois-moi, Gil Blas, perds pour jamais l'envie d'être précepteur, et suis mon exemple. » « Oui, mais Fabrice, lui répartis-je, on ne trouve pas tous les jours des administrateurs, et si je me résolvais à servir, je voudrais du moins n'être pas mal placé. » « Oh, tu as raison, me dit-il, et j'en fais mon affaire. Je te réponds d'une bonne condition, quand ce ne serait que pour arracher un galant homme à l'université. » La prochaine misère dont j'étais menacée et l'air satisfait qu'avait Fabrice, me persuadant plus que ses raisons, je me déterminai à me mettre dans le service. Là-dessus, nous sortîmes du cabaret et mon compatriote me dit « Je vais de ce pas te conduire chez un homme à qui s'adressent la plupart des laquais qui sont sur le pavé. » Il a des grisons qui l'informent de tout ce qui se passe dans les familles. Il sait où l'on a besoin de valets, et il tient un registre exact, non seulement des places vacantes, mais même des bonnes et des mauvaises qualités des maîtres. C'est un homme qui a été frère dans je ne sais quel couvent de religieux. Enfin, c'est lui qui m'a placé. En nous entretenant d'un bureau d'adresse si singulier, le fils du barbier Nunez me mena dans un cul-de-sac. Nous entrâmes dans une petite maison où nous trouvâmes un homme de 50 ans qui écrivait sur une table. Nous le saluâmes, assez respectueusement même. Mais soit qu'il fût fier de son naturel, soit que, n'ayant coutume de voir que des laquais et des cochers, il eut pris l'habitude de recevoir son monde cavalièrement, il ne se leva point. Il se contenta de nous faire une légère inclination de tête. Il nous regarda pourtant avec attention. Je vis bien qu'il était surpris qu'un jeune homme en habit de velours brodé voulût devenir laquais. Il avait plutôt lieu de penser que je venais lui en demander un. Il ne put toutefois douter longtemps de mon intention, puisque Fabrice lui dit d'abord « Seigneur Arias de Londonia, vous voulez bien que je vous présente le meilleur de mes amis? C'est un garçon de famille. Que ses malheurs réduisent à la nécessité de servir. Enseignez-lui de grâce une bonne condition. » Et comptez sur sa reconnaissance. Messieurs, répondit froidement Arias, voilà comme vous êtes tous. Avant qu'on vous place, vous faites les plus belles promesses du monde. Êtes-vous bien placés? Vous ne vous en souvenez plus. Comment donc, reprit Fabrice, vous plaignez-vous de moi? N'ai-je pas bien fait les choses? Vous auriez pu les faire encore mieux, repartit Arias. Votre condition veut un emploi de commis. Et vous m'avez payé comme si je vous eusse mis chez un auteur. » Je pris alors la parole et dis au seigneur Arias que, pour lui faire connaître que je n'étais pas un ingrat, je voulais que la reconnaissance précédât le service. En même temps, je tirai de mes poches 2 ducats que je lui donnais, avec promesse de n'en pas demeurer là si je me voyais dans une bonne maison. Il parut content de mes manières. « J'aime, dit-il, qu'on en use de la sorte avec moi. » « Il y a, continua-t-il, d'excellents postes vacants. Je vais vous les nommer et vous choisirez celui qui vous plaira. » En achevant ses paroles, il mit ses lunettes, ouvrit un registre qui était sur la table, tourna quelques feuillets et commença de lire dans ces termes. « Il faut un laquais au capitaine Torbellino, homme emporté, brutal et fantasque. Il gronde sans cesse, jure, frappe, et le plus souvent estropie ses domestiques. « Passons à un autre, » m'écriai-je à ce portrait. « Ce capitaine-là n'est pas de mon goût. » Ma vivacité fit sourire Arias, qui poursuivit ainsi sa lecture. « Doña Manuela de Sandoval, douairière surannée, hargneuse et bizarre, est actuellement sans laquais. Elle n'en a qu'un d'ordinaire. Encore ne le peut-elle garder un jour entier. Il y a dans la maison, depuis 10 ans, un habit qui sert à tous les valets qui entrent, de quelque taille qu'ils soient. On peut dire qu'ils ne font que l'essayer, et qu'il est encore tout neuf, quoique 2000 laquais l'aient porté. Il manque un valet au docteur Alvas Fanes. C'est un médecin chimiste. Il nourrit bien ses domestiques, les entretient proprement, leur donne même de gros gages. Mais il fait sur eux l'épreuve de ses remèdes. il y a souvent des places de laquais à remplir chez cet homme-là. Oh, je le crois bien, interrompit Fabrice en riant. Vive Dieu, vous nous enseignez là de bonnes conditions. Patience, dit Arias de Londonia, nous ne sommes pas au bout, il y a de quoi vous contenter. Là-dessus, il continua de lire de cette sorte. Doña Alfonsa de Solis, vieille dévote qui passe les deux tiers de la journée dans l'église et veut que son valet y soit toujours auprès d'elle, n'a point de laquais depuis 3 semaines. Le licencié Cedillo, vieux chanoine du chapitre de cette ville, chassa hier au soir son valet. « Halte là, seigneur Arias de Londoña !» s'écria Fabrice en cet endroit. « Nous nous en tenons à ce dernier poste. » Le licencié Cedillo est des amis de mon maître, et je le connais parfaitement. Je sais qu'il a pour gouvernante une vieille béate, qu'on nomme la Dame Jacinthe, et qui dispose de tout chez lui. C'est une des meilleures maisons de Valladolid. On y vit doucement, et l'on y fait très bonne chère. D'ailleurs, le chanoine est un homme infirme, un vieux goutteux qui fera bientôt son testament. Il y a un legs à espérer. La charmante perspective pour un valet. Gil Blas, ajouta-t-il en se tournant de mon côté, ne perdons point de temps, mon ami. Allons tout à l'heure chez le licencié. Je veux te présenter moi-même et te servir de répondant. À ces mots, de crainte de manquer une si belle occasion, nous prîmes brusquement congé du seigneur Arias, qui m'assura, pour mon argent, que, si cette condition m'échappait, je pouvais compter qu'il m'en ferait trouver une aussi bonne.